y va. Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 34e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les gars? Yeah. Ça va bien! Ouais! Yes! Hey, avant de partir ça, là, moi je me disais, on pourrait peut-être dire ce qu'on va parler de au show de ce soir. Fait que toi, Ben, tu vas parler de quoi ce soir? Moi, je vais parler de ActRaiser. Oh là là! Ça, c'est cool, je suis content. Mais ça... Ça va me faire très plaisir. On lâche les jeux lents. Ouais, mais... Ouais, non, il y a des... Ouais, quand même, c'est un semi-lent. Ouais. Semi-lent. Toi, Dom, tu vas parler de quoi? Je vais parler de Astro Boy Omega Factor au Game Boy Advance. Oh, que oui! Yes. Toi, Nick? Moi, je vais vous parler de Dive Kick. Oh! C'est un jeu de combat à deux boutons. Puis, je vais aussi vous parler... on va animer une discussion par rapport au jeu de combat de 2016. C'est une grosse année. Oui. Excellent. Moi, en soir, je fais plein de critiques. Fait que je vais faire la critique de Transformers Devastation, Among the Sleep, Amplitude et Runbo. Toi, GF, à soir, t'as-tu des fun facts? Yes, le retour des fun facts ce soir. Woo! Oh yeah! 5 beaux fun facts pour vous après la pause. Excellent, ça. Great! Hey, à soir, on a reçu un don hors du commun. Oui, en fait, j'ai deux dons très généreux à annoncer. Oui. Premièrement, à la dernière soirée de Arcade Montréal la semaine dernière, il y a l'excellent Simon Parenteau, qui est aussi un de nos Patreons. Oui, c'est qui vrai. Qui m'a donné en personne, lors de la soirée, un beau 20$. Donc, j'avais oublié que c'est moi qui l'avais. Fait que je vous dois 20$, les gars. Je vais acheter de la boisson et des Doritos. Puis, c'est cool, man. Lui, il vient de temps en temps. Tu sais, c'est celui que son avatar, c'est comme un... Il a comme un handlebar, là. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Il est cool, ce gars-là. Ah, ouais? Il part de Drummondville, en plus, pour venir jouer aux arcades. Simon. Il se déplace. Fait que merci beaucoup, Simon. Merci. C'était super apprécié. Vraiment. Et puis, ce matin, l'excellent Alex Morancy, Sean Paul, voulait faire un don de bière, comme il nous a déjà fait l'an passé. Fait que vu que je n'étais pas disponible en personne au local aujourd'hui pour recevoir la dite bière, ouais, exact. Il voulait nous acheter de la Sapporo, ben il m'a fait un virement Interac, puis okay. Je suis allé acheter de la bière. Fait que cheers, man! Cheers, man! J'ai merci. Même acheté de la Sapporo pour rester dans ce qu'on avait, dans ce que tu avais dit. Alors, génial. J'aurais pu cheaper là, puis acheter de la... La Milwaukee's Best Drive. Ouais, exact. Il n'y en avait pas. Non, c'est plus que t'aimes l'utilisation de tes jambes, c'est ça? Mais j'aime bien la Old Milwaukee. Il y a des filles sur l'emballage. Ah, ben oui! Mais il n'y en avait pas non plus. Caline, la côte 45 aussi, ça n'arrêtait pas pire. Ça arrêtait bien fait. Ça marche à tout coup. Rendu là, c'est les risques de devenir aveugle. Ouais, exact. Et puis, on remercie aussi Nick Chalifou. Ouais, ouais. Moi, je remercie Nick Chalifou qui nous a donné un combo improbable de Pogo et Amiibo. Fait que merci beaucoup. Pogo et Amiibo. Les Pogo Amiibo, ouais, tout à fait. Donc, puis c'est en plus, c'est le beau kit qui a justement, il y a Rob, il y a le gars de Game & Watch, puis Dokkan. C'est un super beau kit Amiibo. Ouais. Ouais. On s'est partagé ça et des Pogo pour Dom. Pour moi. Alors, parce que lors du dernier épisode, je disais que les Pogo étaient tellement chers. Ouais. Maintenant, puis Nick, vu qu'il y a beaucoup d'argent, il a décidé de m'en acheter. Mais parce qu'on s'est fait un petit événement. Ceux qui nous ont suivis sur Facebook ont vu une couple de photos là, popées. On était chez Nick, puis on s'est fait une petite veillée rétro nouveau style, avec les kids. Fait que c'était bien le fun. Ouais. Donc, merci beaucoup, Nick. Puis merci, Nick Lachapelle, pour le beau souper. Ben oui. C'était plaisir, délicieux, man. C'était merveilleux. C'était vraiment le fun. C'était très bon. La magie d'un potluck. Ouais, mais non, vous avez fait le gros de la job. Moi, les enfants ont trippé. À minuit, ils étaient debout les deux. Puis, non, il y en avait un de mort, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a mort. Plus longtemps. Ouais, c'est mort. Ça, mort. C'est ça que ça fait. Endormi, OK. Ouais. Fait que, la DPJ qui débarque. Ouais, c'est ça. Ça cogne à Arcade Montréal. Dead Babies Joe. Sinon, on a quoi d'autre? Aujourd'hui. Ben, écoute. Je vais en parler vite. C'est le 19 janvier. Ouais. C'est le jour d'aller voir la ville. Ah, ça, c'était le concours de. Ah, non, ça, c'était le 15. C'est vrai. C'était le mardi 19 janvier. Puis, on avait notre rendez-vous aujourd'hui à l'arrondissement Ville-Marie pour les développements de notre bar arcade. Voir si nous pouvons le faire. J'en dirai pas plus, mais je peux vous dire que je suis ressorti de là avec une érection. Ah, ben, calme! Avec, Il y a quelques fait possibilités. Fait qu'il y a du monde, il y a du monde cute. Il y a des lumières. Ouais, il y avait c'était plein de belles filles, mais la ville veut pas. Non, c'est des. On a eu des très bonnes nouvelles. Puis, surveillez Arcane Montréal. On va continuer à publier les milestones qui s'en viennent. Mais c'est très positif. Fait que j'en dis pas plus. C'est génial. Bien content. Ouais, ça n'a pas rapport. J'ai noté ça, moi, la cassette rouge. C'est parce que... C'est... Out of nowhere. C'est quoi, ça? Non, c'est juste que pendant le temps des fêtes, OK, j'ai commandé une cassette rouge sur AliExpress. Vous connaissez AliExpress? Ouais, t'en as parlé au dernier épisode. J'en ai-tu parlé? Oui. Ouais. Ah, c'est la cassette avec tous les millions de bons jeux dessus, là? Oui. Ah, ben, non, t'as pas parlé de la cassette, t'as parlé de AliExpress. OK. Ben, j'ai reçu la cassette rouge de 150 in one, quoique moi, c'est peut-être 125, je me rappelle plus. Allez sur AliExpress, tapez 150 in one, puis il va vous popper des cassettes de Nintendo, des bootlegs, là, on s'entend. Puis là-dessus, sur ces cassettes-là, ils sont genre 17$ US, free shipping, donc tu t'en sors pour 25$. Mais c'est très long avant de les recevoir parce que c'est chinois, puis ils ont un shipping de marbre. Mais c'est pas grave, parce que là-dessus, il y a tous les jeux rares que tu ne pourras jamais te payer. Okay. Fait que Little Samson, Panic Restaurant, Power Blade 2, toutes les Ninja Gaiden, Flintstone, toutes les Turtles, toutes les Mega Man, toutes les Contra, y compris Contra Force, toutes les hits, là, toutes. Okay. Ils sont là-dessus, man, puis le ROM fonctionne super bien, le cart marche super bien. C'est tellement la folie dans un cercle, dans les pages rétro ces temps-ci. Là, tout le monde s'en est commandé une. Il y a même des sales revendeurs, eux autres sont sales pour vrai. Ils en ont commandé des batchs sur AliExpress, puis ils revendent 80$ sur Kijiji. Ouais, totalement. Oh, man, fait que c'est vraiment crissement rat. Si vous avez un NES et vous voulez jouer à tous ces merveilleux jeux-là que vous ne pourrez jamais vous payer et qui ne sont pas sur Virtual Console, c'est 25$ là, mieux investi de votre collection. Même moi, je l'ai acheté, cette carte. Tu l'as-tu acheté? Pourquoi? Je l'ai acheté en format Famicom. C'est ça que j'ai en format Famicom. Ça me fera un adapteur. N'importe quel adapteur bootleg fera l'affaire là, de Mario Baby ou de cochonnerie de Mario 3. Mais sinon, il l'a aussi en format 60 pins, là, NES normal. Fait que voilà, la cassette rouge, man, un must pour tout le monde. Fait que là, n'importe qui peut se commander ça, c'est pas backorder, rien. Je sais pas si. L'autre fois, ça a tombé backorder, mais il y a d'autres, tu sais, comme. Là-bas, il doit avoir allumé. Là, j'ai dit, voyons, c'est quoi ces nord-américains magnifiques qui commandent vos shit. Ouais. Donc, allez, là-bas, c'est la panique. Ah ouais, c'est ça. Le gars, il y a un char en face de sa maison. Là, tu sais, c'est comme yes, enfin. Ça fait 10 ans que je mange pas, mais là, j'ai un char. Ben, c'est ça, j'ai commencé une game de Little Samson, là, justement. Ouais. Fait que, je vais pouvoir en faire la critique officielle. Puis il y a Power Blade 2 aussi que je veux faire parce que j'ai tellement aimé le premier. Donc, c'est tous les jeux ça, qui vont venir, excusez-moi, cette année, de ma belle cassette rouge. Excellent. La cassette rouge. Hey, Jeff, toi, t'as développé notre produit. Bon, développé. On a fait du plus value, en fait. Excusez-moi, je joue avec les micros en même temps. Ouais, on est maintenant sur Instagram et Snapchat. Ouais. Instagram, ça, je comprends. Instagram, les deux, c'est retro_nouveau. Donc, suivez-nous. Ouais. J'ai même fait une petite photo live là, pendant qu'on est là. Ah oui, hein? Direct sur Instagram, drette là. Hey, c'est-tu pas méta, ça? Tu dis, man! Fait que, suivez-nous. Tout le monde de Rétro Nouveau, y compris les blogueurs, ont accès aux comptes Instagram et Snapchat. Fait que vous allez avoir des primeurs de Rétro Nouveau là-dessus. Là. Non, je tiens juste à mentionner, arrêtez de nous envoyer des requests, de nous envoyer des photos de notre junk sur Snapchat. Parce qu'on va pas le faire. Hashtag Big Pics. On a un certain degré d'intégrité. On remercie beaucoup les fans qui le demandent, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire. Alors, on exclut la personne qui parle. Hein, En deuxième moitié d'épisode, j'enverrai un Snapchat de mon point de vue tantôt. C'est ça, ton point de vue. Je vous dis pas de quoi, par exemple. La vue sur la table, le papillon s'en va. En dessous de la table, donc... Non, mais je pourrais le faire sur des cassettes rares, là, tu sais, c'est comme un peu de la porn. Là. C'est ouf, hey, ça, ça serait le fun. Ouais! C'est pas pire, ça. Je pourrais comme filmer en dessous de la robe, là, tu sais, le board, là. J'ouvre la cassette. Ouh, ça, c'est en dessous. Ah ouais. Il y a des chips là-dedans. C'est un beau board, ça, d'un Sunset Riders. Ce show-là, ça en va nulle part. Bon. Ben, continuons avec les éléments sur la liste. Merci, Ben, de nous ramener à l'ordre. Ouais. On va manger des chips d'abord. On peut même plus niaiser. Ben, c'est ça, GF, t'as aussi développé une nouvelle technologie de l'an 2000. Ah, ouais, ben, de l'an 2000. Ben, c'est à peu près ça, ouais. Ben, il y a des gens qui m'ont demandé si on pouvait télécharger les épisodes vidéo de Rétro Nouveau. Ouais. Oui, c'est possible depuis avant hier, en fait. Allez sur iTunes, tapez Rétro Nouveau vidéo. Vous allez trouver les épisodes sont entre 500 et 600 MB. ce qui est le meilleur que je pouvais faire pour un show de 2h30 en vidéo. Ben, c'est quand même bon. Là. Ça vous permet de l'avoir dans vos iPhones ou dans vos iPads si vous voulez écouter la vidéo sur la route sans avoir à utiliser l'Internet. Fait que Rétro Nouveau vidéo sur iTunes. Hey, c'est cœur, hein? C'est parfait, ça. Caroline. Du plus value encore. Le futur. Même le monde en prison, on va pouvoir l'écouter. Sur leur téléphone. On sait que c'est là qu'on a des... le gros c'est de notre audience. Ah, c'est ça. Toutes des rétro gamers, là, t'as dit. Ah, clairement, là. Ah, c'est... Fait que pantoufle, dans le rétro. Pantoufle. C'était cœur, hein, comme nom, ça. Aïe, ça a l'air d'une brute associée à ce nom-là. Pas se fier à la douceur d'une pantoufle. Non. J'allais sortir quelque chose de ouais, trop c'est scandaleux. Alors, je l'imaginais. Ouais. Bon. Well. Bon, wow. Assez parlé de... assez pas parlé de sodomie. Puis passons au premier... La première critique. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé le show. Ça n'a pas été long. Hein? Les bébés morts, la sodomie, tout. Ouais, tabarnak. Première bière n'est pas finie. Ouais, ça dérape. Mais c'est qui y a dans ce Sapporo-là? C'est peut-être les Doritos aussi. Ouais, c'est peut-être ça, les Doritos. Ouais. T'avais dit de ne pas y licher avant d'être. All right. Fait que je vais commencer avec la première critique. Oui. C'est une critique de Transformers Devastation, qui est en fait un jeu qui est sorti, c'est sorti l'an passé, puis c'est un peu passé sous le radar. Il n'y a pas grand monde qui en ont parlé, ou en fait, les gens qui en ont parlé, c'était jamais le jeu de l'année, donc... Mais moi, j'attendais ça. Je veux dire, ça avait l'air beau, honnêtement. Ça avait un cartoon des années 80. Et moi, quand c'est écrit Platinum sur quelque chose, je suis souvent vendu d'avance. Exact. Et quelquefois déçu. Comme avec Way Forward, tu sais. Ouais, exact. C'est bien hype, puis soudainement, ah, Chris, non. Non, c'est ça, c'est pas tout bon. Mais Transformers Devastation, en fait, c'est basé sur la série des années 80, la série qu'on avait quand on était kid, si t'as 30 ans et plus. Puis c'est ça, en fait, ce que c'est vraiment basé sur cette série-là visuellement, mais l'histoire, puis tout ça, c'est basé sur... C'est Transformers, je pense, Generations... Ils se sont basés un peu sur cette série-là. Puis tout le cast original du jeu, de la série des années 80 est là. Ah, ce qui est assez génial. Ah, ben, les personnages, voix, pas ouais, les voix, voix aussi. Voix, c'est les, voix les voix sont là. Ils sont pas morts, les autres? Non, ils sont pas morts. Wow. D'ailleurs, le gars qui fait Optimus Prime, je suis désolé, je me souviens pas de son nom. Puis présentement, il se montre qu'il rage chez eux, mais. Il est encore là. Ouais, c'est ça. Damn you! George! Mais lui, en fait, il a fait les films Transformers avec Monsieur Explosion. Ah ouais, c'est la même voix que dans les comics. C'est la même voix. C'est Monsieur Prime, là. Ouais. Sur tout. Monsieur Prime. Wow. Ça aussi, c'est un excellent nom de porn star. C'est ça, sa femme l'appelle demain. Mr. Prime. Aïe, aïe. On va mettre du gameplay, je pense. Fait que, ouais, hein. Mais fait que c'est ouais, ça. En fait, ce que c'est, si vous connaissez Platinum, comme tout le monde, que vous avez joué à Bayonetta ou vous avez joué aux autres jeux Platinum, ben c'est encore le même principe. C'est un hack and slash. Donc, on avance, on t'approche. Ça me fait beaucoup penser à Bayonetta comme style de combat, surtout. Parce qu'en fait, t'as la même affaire que dans Bayonetta où quand t'esquives quelqu'un, ça te donne un moment où tu ralentis le temps, puis là, après ça, tu peux frapper. Chris, c'est beau, par exemple. Là-dedans, c'est ça. Tu peux incarner Optimus. J'ai la liste ici parce que je les ai pas tous utilisés. Optimus, Bumblebee, Wheeljack, Grimlock ou Sideswipe. Grimlock est là? Oui, Grimlock est là. Fait que tu peux toutes les utiliser. En fait, ce qui arrive, c'est que tu commences avec Optimus Prime, puis après ça, en deux missions, on te dit, bon, tu veux continuer avec lui ou tu veux faire utiliser un autre parce que tu as des améliorations aussi que tu peux amener à tes robots. Les améliorations, on les sent un peu, mais pas tant que ça, malheureusement, à cause que, justement, le combat est tellement rapide que même si tu augmentes la force de ton personnage, tu t'en rends jamais vraiment compte parce que les autres bonhommes, de toute façon... augmente de force aussi au fur et à mesure que le jeu avance. Fait que ça, c'est pas l'ajout le plus intéressant. En fait, là-dedans, on a des armes de mêlée, puis on a tout le temps un fusil, soit un fusil de précision, une mitraillette, des trucs comme ça. Les fusils, on sent pas vraiment la force, mais les armes de mêlée, c'est malade. T'as tout le temps des épées, des espèces de gros couteaux, grosses haches. Fait que tu te bats avec ça, puis c'est vraiment, vraiment badass. Tu te sens super fort dès le début du jeu. Puis c'est vraiment le... Je veux dire, c'est le nerf du jeu. Là. Le combat est vraiment excellent là-dessus. Là, le gameplay est super bon. Y a-tu des cubes d'Energon? Oui, il y a des cubes d'Energon. C'est important, ça, parce que dans la série, c'était comme l'enjeu vital. Ouais, tous les épisodes, c'était à propos des cubes d'Energon. Oh, ça prend d'Energon. Ils calaient ça comme des shooters. Le cube devenait juste un frame blanc. Là, tu sais. Mais là, je regarde ça. Il y a tout ça là-dedans. Parle un peu du look. Là. Exact. Fait que là, comment on appelle ça? Cell shading. C'est du cell shading. C'est une technique qui a été utilisée quand même assez souvent en jeu vidéo à date, mais ça, pour ça, ça marche particulièrement bien. Ben oui. C'est super beau. Par contre, c'est un jeu dans lequel tu avances puis tu te retrouves dans une arène fermée puis là, il faut que tu combattes des vagues et des vagues d'ennemis. Là, après ça, ça se débarre puis là, tu t'en vas à la prochaine arène fermée. Ah ouais, fait que ça m'a beaucoup fait penser à Anarchy Reigns dans ce genre-là, qui est un autre jeu de Platinum où le tableau est vraiment pas gros. En fait, c'est tous des environnements qui sont repris et repris et repris. D'ailleurs, on n'est pas seulement dans la ville dans ce jeu-là. On va se retrouver dans les souterrains, on va aller dans une base, on va aller un peu plus loin dans Manhattan. Fait que, tu sais, quand même, c'est intéressant, mais on retrouve tout le temps les mêmes environnements. Fait que ça devient plate à un moment donné. On aurait le goût de voir plus, on aurait le goût d'avoir des scènes d'action, aventure un petit peu plus recherchées. Là, c'est vraiment tu te bats. Pis, point à point. Oui, exact. Puis j'ai trouvé ça, moi je me suis lassé de ça. Tu sais, chaque partie que j'ai jouée, je les ai aimées, mais je pouvais pas jouer plus qu'une demi-heure parce que sinon je m'emmerdais. Mais à toutes les fois que j'ai recommencé, j'avais du fun pour une demi-heure, je lâchais. Puis c'est une campagne qui dure 6 heures, donc c'est pas super long. Ouais, Platinum, c'est jamais très long. C'est ça. Sauf que, tu sais, Platinum, ils ont fait une autre, campagne de 6 heures qui était excellente, et c'était notre bien-aimé Vanquish. Oui. Vanquish! Et puis... Nice, Jeff, nice. Merci. C'est ça, puis Vanquish, en fait, c'était 6 heures, mais c'était rapide. Le level design était écœurant, puis c'était pas des environnements qui étaient repris tout le temps quand t'avais des... C'était du tir, par exemple, c'était surtout. C'était du tir, mais t'avais aussi justement la glissade, puis tout ça. Ouais, c'est ça. C'était un jeu qui innovait quand même, autant visuellement que côté gameplay. Là-dessus, on est en terrain connu. Puis malheureusement, c'est pas un jeu que je pourrais conseiller à un jeune enfant qui commence à jouer, parce que c'est extrêmement compliqué. Ouais, pour les combos, ça rend ça. Ouais. C'est t'en as vraiment un peu, ou tu fais comme n'importe quoi puis. Un peu, parce que en gros, tu sais, c'est des boutons BA ou carré triangle. Tu sais, t'as vraiment deux boutons. Mais sinon, après ça, tu sais, t'as ton esquive qui est comme primordial. Si tu fais pas ça dans le premier tableau, tu réussiras jamais à ce jeu-là. C'est vraiment important. Puis c'est des fractions de secondes, là, à un moment donné, il faut absolument que tu y arrives puis que tu le fasses. Fait qu'un enfant va jouer à ça, puis comme, Christy, je m'emmerde, je suis incapable de rester vivant. Il faut acheter la diversité des combos comme Bayonetta un peu, pas genre, du tout. Que ce soit différent. Okay. C'est, moi, ce qui est dommage, c'est que moi, je me retrouve souvent à faire la même affaire pour gagner depuis le début. Okay. Puis une autre chose super importante que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'évidemment, tu peux te changer en véhicule. Ouais. J'ai vu que ça faisait partie des combos d'attaque. En fait, tu slashes d'un coup, whoop, tu viens en char, tu fonces dedans. Exact. Tu te transformes. C'est comme si, entre autres, Optimus, tu peux sauter dans les airs puis te transformer en truck puis écraser le gars. tu peux être en truck, tu roules, puis à un moment donné, tu fonces dans le bonhomme. T'sais. Fait que c'est... Le combat était écœurant, là, vraiment. Ouais. Le gameplay est super bon, mais c'est comme un jeu qui est sous-développé dans un sens. Tu sais, c'est vraiment... Si ça n'avait pas été des arènes, puis ça aurait été un peu plus développé, tu aurais pu quand même justifier 70$ pour... Ouais, c'est plein prix. C'est vraiment cher, là. Tu sais, comme un jeu... Si ça avait été un jeu, mettons, je sais pas moi, 30$ download, mettons, là, ce jeu-là, il aurait probablement une meilleure note. Ouais. Parce qu'on le considérerait d'une autre façon, mais là, c'est un AAA. Ouais. Fait que tu t'attends quand même à plus de diversité, surtout que tu peux avoir, mettons, 70$, tu peux avoir Metal Gear Solid. Ouais. Fait que c'est tu ça, dis c'est difficile parce que justement, c'est sorti comme un titre plein, tu sais. La compétition est tellement forte aujourd'hui, tu sais, puis il y en a des milliers de titres là, qui vont t'offrir des centaines d'heures de jeux, tu sais, genre. Exact. Puis ça, T'sais, 6 heures, moi, ça me dérange pas du tout. C'est un jeu qui est court, qui est bien exécuté. Exact. Mais au niveau des coûts, t'sais, tout à fait. Là, ça fait cher de l'heure. Mais tu sais, c'est un plus taxe. Ouais, plus. Mais, pas mal ça. C'est 12 piastres même. C'est un 6 heures, puis moi, c'est ce jeu-là, moi, je me voyais tout de suite jouer à ça avec un chum. Mais non, il n'y a pas de multijoueur non plus. Ah, okay, fait que ouais. Tu sais, t'as rien, il n'y a pas de viande, il n'y a rien. C'est dommage parce que le jeu, il est le fun. Ouais. Fait que tu sais, juste à cause du gameplay et tout ça, moi, je vais donner la note de 3.5. En fait, c'est une super bonne location. Puis si vous le voyez en vente, tu sais, sur Xbox One puis PS4, il tombait en vente à 25-30$. Ça, c'est parfait comme prix pour ce jeu-là. Ça serait un beau jeu en copie physique, ça, pour les collectionneurs. Oui. Je trouve, quand il va venir pas cher, là, que tout le monde va l'avoir oublié un petit peu. Là. Mais tu sais, les gens commencent déjà à l'avoir oublié. Ouais, fait que je pense que ça va descendre assez rapidement. Boxing Day était 40$ en copie physique. Ah ouais. En fait, là, l'as-tu Wii U, ça? Non. Okay. Non, c'est juste PS4, Xbox One. Okay. Puis c'est quand même. Mais je pense qu'il l'a aussi sur PS3 puis 360. Je me souviens même plus de la fiche technique. Mais. Je la remets. Ouais, remets-la donc, voir. Christy, c'est génial ça. PS4, PS3, Xbox One, 360 et PC. Ah, c'est ça. Sur tout. Fait que t'as vu quand même, ça va à peine. Puis tu sais, oui, 13 ans et plus, mais c'est pas. C'est des robots qui se tapent. Ils saignent pas, ils leakent pas, rien. Là, fait que. ouais, des fuites de gaz, quelque chose, ça peut être violent, tu sais. Mais c'est ça, fait que bref. Chacré maillard! Fait que c'est cela! Sur ce, lègue le micro à je me souviens plus qui. C'est Ben. Oui, c'est Ben. Du slow gaming aujourd'hui encore? Oui, ben, en partie, en fait. Et, en partie, oui. En fait, je suis venu présenter un jeu qui se veut un peu hybride. D'ailleurs, la réception a été un peu étrange par rapport à ce jeu-là. Les gens ne savaient pas trop comment le recevoir. Donc, c'est ActRaiser. Malgré tout, a eu une bonne réception. Donc, on parle dans les... Je me souviens, les métacritiques, ça tourne autour de 9 sur 10 comme note. Là, donc, je me rappelle, à l'origine, lors de sa sortie, il faisait la... C'est sorti pas mal au début de la Super NES. Ouais, 91. Ouais, il était très présent dans les Nintendo Power, puis Nintendo le pushait d'aplomb. Tout à fait. Mais même, il me semble, je me trompe pas, qu'il était derrière la boîte de la Super NES. Ça se peut, ouais. Parce que c'était un des launch titles, en fait, ActRaiser. Je sais pas s'il était officiellement à launch, mais il était vraiment dans le début, en tout cas. Il était au début. Donc, grosso modo, le scénario de ce jeu-là, c'est qu'il y a eu une espèce de combat entre dieux. Là, on est vraiment dans le sous-texte monothéiste, là, donc très chrétien, religieux, etc. Mm-hmm. Là. Donc, Dieu a eu un combat avec Satan et ses 6 lieutenants. Et Dieu a malheureusement perdu et donc a été se reposer dans les nuages pendant un certain moment. Et pendant ce temps-là, donc, Satan a repris le contrôle de la planète et a donc divisé les territoires entre ses 6 lieutenants. Et à un moment donné, Dieu reprend conscience et voit finalement toute la destruction à laquelle ça a mené et décide donc d'aider ses sujets qui sont sur sa planète et de reconquérir les territoires perdus. Et le gameplay de ce jeu-là se divise donc de deux façons. C'est là que les gens ont été un peu c'est comme un hybride étrange. C'est que d'un côté, vous avez un aspect très, très simulation où on est vraiment au-dessus d'une carte dans laquelle il y a une petite ville qui se construit, qui se déploie en fonction des décisions que vous prenez. Et il y a donc des relations qui vont se faire entre les individus, en fait, les citoyens de cette contrée-là. Et vous, en tant que dieu, on va vous donner des pouvoirs au fur et à mesure que vous débloquez, que vous faites des choses sur la carte. Ils vont prier même. Oui, ils vont te prier. Pour avoir de l'aide pour des choses. À un moment donné, les citoyens deviennent suffisamment forts pour fermer certains endroits où les monstres vont popper sur la carte. Donc, vous avez des monstres qui vont apparaître. Vous contrôlez essentiellement un petit ange. Et puis, ce petit ange-là, là, il lance des flèches. Donc, vous pouvez tuer les monstres avec cet ange-là. Donc, et c'est également cet ange-là qui vous permet de contrôler qu'est-ce que vous faites sur la carte. L'autre aspect de ce jeu-là est, en fait, à un moment donné, les citoyens ont suffisamment développé sur la carte pour débloquer l'antre du lieutenant en question. Et donc là, le jeu se transforme complètement pour devenir une espèce de platformer. Ben oui. Hein? Ouais, on est vraiment dans une autre vision complètement. Et vous avancez à travers des tableaux qui sont particulièrement bien faits par ailleurs. Vous obtenez des pouvoirs, vous obtenez différents objets qui vous permet d'avancer. Et évidemment, il y a un boss à la fin qui représente un des six lieutenants. Encore une fois, on est très dans la mythologie. On est dans les créatures qui sont issues de la mythologie essentiellement nord-occidentale. Donc, même si c'est un titre japonais, on est très dans cette vision-là de la chose. le jeu en tant que tel, au niveau du platforming, il est bien fait. Le seul hic que je trouve quand je joue à ça, puis j'avais oublié à quel point c'était un petit peu harassant, c'est le côté que le personnage est extrêmement lourd. On dirait, t'es dans le jeu où tu sautes, là. Lui, là, il saute, c'est comme, on dirait qu'il arrête, il n'y a comme pas d'élan, là, tu sais. Chose qu'il y avait, par exemple, dans Mario. Mario, ça, je pense que c'est un des jeux où ça démontre très bien comment sauter. Lui, c'est extrêmement sec. T'as l'impression que le personnage pèse 3000 livres. Ouais. Puis ça fait en sorte que le contrôle, il vient un peu difficile à cause de ça. Il arrête très, très, très sec. Ça, c'est vraiment le défaut principal au jeu, là, du côté platforming, qui rend un peu désagréable. Le reste va très bien. C'est très bien construit. Chose que j'aime particulièrement de ce jeu-là, c'est la musique. Si Michael Larouche est dans le chat, il pourra nous dire le nom du gars. Compositeur, D'ailleurs, je pense que c'est... Parce que c'en est un grand. C'est dans son podcast, c'est la musique d'Arc Razor qui ouvre son podcast. Ça se peut. Ben, ça, en tout cas, là, c'est conservatoire. Là, c'est la musique d'Arc Razor qui est dessus. Du côté de la simulation, là, c'est un peu... le défaut que je dirais, c'est que on reste un peu sur notre faim. Dans le sens où on en aurait pris un peu plus. Ouais. Si vous aimez les jeux de simulation particulièrement... Là, c'est ça, tu veux? Moi, c'est pour ça que j'ai aimé Arc Razor. Ouais. Moi, avec, c'est pour ça que j'ai aimé mes meilleurs jeux. C'est simplifié. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, en tant qu'amateur de jeux de simulation, j'aurais pris juste... petite affaire en plus. Il y a comme souvent les cartes, j'ai trouvé un peu courtes, puis j'aurais aimé faire avoir un peu plus de capacité à jouer sur le sort de mes citoyens, puis peut-être plus de pouvoir, plus de diversité, des choses comme ça. Éventuellement aussi, peut-être un aspect, disons, plus casse-tête, dans le sens où tu finis tout le temps par résoudre tes éléments avec les mêmes pouvoirs, sans vraiment poser de questions. Fait que, c'est un peu répétitif. Là. Une fois que tu as fini un ou deux tableaux, tu as pas mal tout compris comment ça fonctionne. Fait que, ça donnait l'impression que c'était une introduction à ce genre-là, en fait. Fait que t'avais comme le meilleur des deux mondes. Fait que t'avais pas peur de te plonger là-dedans. Parce que quand tu tournais justement la boîte d'un jeu du genre, tu t'étais comme tu vois ça, tu vois les maps, t'es comme tu voyais qu'il y a du platforming, fait que là t'étais rassuré. Fait que le jeu. Surtout que sur la pochette, c'est une pyramide avec un éclair. Ça veut pas dire. Il y a pas des bonhommes là qui frappent, là, c'est pas. On sait pas trop, tu sais. Ouais, la pochette était énigmatique. Mais elle est très jolie, par exemple. Elle est très belle. Je l'aime tellement. Ça dit rien du jeu, vraiment. Mais le bonhomme avec sa grande épée en arrière, c'était... c'est magnifique. Vu, honnêtement, les graphismes pour c'est magnifique. Vraiment la beau. Musique, le graphisme, c'est fou. Moi, j'ai même pas joué, puis je me rappelle des images d'avoir vu la boîte dans la vidéo. Tu sais, c'était... Le héros, il a l'air d'un héros. Tu regardes ça, puis il est épique. C'est parce que j'aimais ça, parce que moi, justement, je tripais. Là, j'ai checké, c'était pas un des launch titles, mais j'avais joué à Super Castlevania 4, qui était sorti au lancement. Puis c'est ça qui était le fun, c'était qu'enfin, t'avais comme des sprites super hauts, tu sais, des gros bonhommes que t'avais pas sur NES. C'était cool. Là. Ouais, justement, Mike me donne des informations complémentaires. Là. Il dit que c'est pas un launch title, mais qu'il est sorti 3 mois après le début de la console. Quand même. Puis la musique, c'est Yuzo Koshiro. Ou comme il dit, Yuzo fucking Koshiro, c'est ce qu'il dit. Merci Mike. Un grand. Moi, ce que j'aimais aussi de la portion God Game, je trouvais ça quand même poétique parce que les humains, ils sont tout nus, là, ils ont besoin de toi. Ouais. Fait que toi, tu sèmes à un moment donné le blé. Là, ils se mettent à cultiver du blé. Là, ils deviennent plus forts. Là, soudainement, ils découvrent le coton. Puis, ils s'habillent, là, ils s'équipent, ils se développent, font des affaires, ils développent des villages. Toi, à partir d'en haut, là, il y a comme de la lave à terre. Ben là, tu fais tomber la pluie, ça sèche la lave, puis là, ils peuvent construire là-dessus. Puis là, mettons, ce village-là, il est pas pire. Il y en a un autre à côté qui va pas bien. Ben là, le village partage la notion du blé avec le voisin. Puis ainsi, toute la terre se développe et grandit avec les éléments, puis la découverte de ce qu'il y a à découvrir. Là, c'est ça, c'est super bien fait pour ça. Puis, tu sais, il y a des petites quêtes, comme par exemple, à un moment donné, tu sais, des soignants vont dire « Ah, mais notre eau est empoisonnée, tu peux-tu aller voir pourquoi? » Puis là, finalement, tu prends un tableau, tu te rends compte c'est ça. Soudainement, il y a la maladie, tout le monde est malade, fait que là, il y a comme une chute qu'il faut que tu ailles régler, tu sais. Mais aussi, des fois, il faut que tu fasses vite un peu, parce parce que d'un moment donné, le village pogne en feu, tu sais, t'as tabarnak. Là, pendant ce temps-là, il y a des méchants qui continuent de popper des trous, tu sais, puis d'aller comme attaquer, voler les citoyens, puis partir avec, tu sais, ou genre cracher, puis mettre le feu ailleurs. Fait que, tu sais, tu niaises pas, là, tu sais. Il y a quand même, moi, je l'ai aimé, même s'il est très simple, t'as quand même de quoi à faire. Puis la balance entre les deux, je la trouve parfaite. Parce que tu te dis pas à un moment donné, ah là, j'étais curé de faire de la simulation, ou là, j'étais curé du platforming, je meurs tout le temps. Les deux sont bien balancés. Ouais, balancé. Parce que ça me faisait penser justement à Gargoyle's Quest. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est Gargoyle's un peu le même Quest, principe. Genre, rien à faire, par exemple. Ouais. Tu te promènes sur une map, mais c'est tout le temps le platforming, ton action. Exact. Mais ouais, au look, là, ça ressemble pas mal à ça. C'est un méchant game mode pour l'époque, quand même. On va lancer un jeu hybride comme ça, alors que lancement de console qui vient d'arriver, tu sais. Va dire, il faut que tu penses que tu vas avoir pas mal de ventes. On va en dire autour de 600, quelques mille, si je me souviens. Et bon, tu sais, pour l'époque, c'est quand même pas si mal. C'est probablement le timing. Si ça aurait été en fin de vie, ça aurait peut-être pas vendu autant. À cause du style mix, comme tu dis. Mais moi, j'ai jamais joué. Puis tu m'as présenté les images. Je t'écoute parler. J'ai le goût de jouer. Honnêtement, c'est pas jamais un jeu. Moi, j'aime les platformers et les jeux de simulation. Fait que là, c'est deux dans un. Non, c'est ça. T'as comme le. C'est ça. Ça vient me chercher, toi, les deux bords aussi. Moi, je suis moins platformer, mais tu vois, c'est un des platformers les plus fun que j'ai joué sur le CNES. Tu sais, notamment parce que ton personnage, il se développe aussi. Il y a un petit côté RPG qui vient chercher, là, tu sais. Fait que plus tu avances dans le jeu, plus ton personnage a de capacité. Fait que c'est ce côté-là qui est intéressant. Quand t'es en haut sur ton nuage, puis c'est l'heure de descendre sur la Terre, là, c'est comme une animation très un peu à la paille à toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le mode 7 qui embarque, t'es au-dessus, puis là, tu plonges vers le cercle, ça fait... Ouais, mais on a vu le... Puis là, un moment donné, foum, tu plonges dedans, puis c'est malade, ça. Côté musical, encore, très bien fait avec ça. Cette animation-là, je trouve, c'est une animation signature, tu sais, du Super NES. C'est vrai. Ça fait très Super NES. C'est vrai, il y avait ça dans Final Fantasy 2 aussi, des trucs dans le genre. Mais celle-là, avec la musique, puis ils l'ont ramené dans Actraiser 2 aussi. Oui. Sauf qu'il y a même un petit délai, je trouve. Mais, anyway. Mais, juste pour en parler vite, là, pour pas que le monde gaspille leur argent, Actraiser 2, c'est pas pareil comme Actraiser 1. Ils ont laissé tomber complètement la portion simulation. Ouais. Fait que c'est que plateforme. C'est beaucoup moins intéressant. C'est pas mal moins le fun. Puis le personnage, il est comme. Il est lent, puis il est corpulent, il est gros. T'es un ange, tu sais. Mais c'est gameplay est pas tight. C'est très difficile, puis il y a pas le God Game dedans. Fait que c'est très décevant. Il est plus cher, j'imagine. Pas mal le même prix, les deux, c'est parce que ça peut être un gros hit, là, mais fait que si vous avez un des deux à prendre, c'est le 1, le 2, laissez faire ça. Pour les curieux, c'est pas un mauvais jeu, là, mais là, c'est ça. Fait que j'y donne une note de 4.5 sur 5. Oh, wow! À mon avis, là, c'est vraiment un incontournable sur le bien d'accord. Un boss de toutes les collections du Super NES. C'est vraiment un superbe jeu. Des petits défauts, rien de majeur. Tu sais, c'est le genre de truc que t'aurais juste le goût de dire... Tu sais, aux deux, pourquoi juste pas régler ça, puis juste étendre un peu, puis ça aurait été parfait, mais non. Les patchs n'existaient pas. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. OK, jouez-y. Yes. Good. All right. Fait que là, je pense que c'est à mon tour. Fait que moi, je vais parler d'un jeu de combat. En fait, ça s'appelle Dive Kick. Là, j'essaie d'éviter la voix, en fait. Dive Kick. Fait que c'est quoi ça, Dive Kick? Grosso modo, ben, c'est un jeu qui a été co-développé par deux studios. C'est des tout petits studios. One True Game Studio, puis Iron Galaxy Studio. À un moment donné, il avait parti un truc de socio-financement, puis ils ont décidé d'annuler ça, puis de faire un co-développement. Ça, c'est vraiment né des fans, en fait, des jeux de combat. C'est des gens qui aiment beaucoup Street Fighter. Puis, à un moment donné, ils ont faire un jeu de combat avec deux boutons, comme j'ai mentionné tantôt. Puis c'est vraiment ça qu'ils ont fait, en fait. Ouais. Puis, il y a deux boutons pour jouer à ça. Puis, tout dans le jeu est deux boutons. Il y a pas de joystick, là. Tu sais, c'est pas... Ah, il y a pas de joystick. Il y a pas de joystick. C'est deux boutons. Fait que t'as un bouton pour jumper. Wow. T'as un bouton pour diver. Puis là, tout se fait avec ça, tu sais. Mais ça a l'air simpliste, mais ils ont rajouté quand même certaines habiletés que tu peux faire. Tu sais, quand tu touches les deux boutons en même temps... C'est un jauge à monter, tu sais, à un moment donné, tu vas avoir une super attaque que tu peux faire. Mais tu sais, c'est vraiment parti d'une joke, puis on fait un jeu avec ça. Puis c'est comme quand même, Goat Simulator. Dans le genre, exactement la même affaire. T'sais. C'est sûr que c'est des gars sous dans un sous-sol, tu sais, qui ont dit hey, ouais. Puis ils ont commencé à braguer, puis là, ils ont dû prototyper, puis tu sais, ça a fait quelque chose d'intéressant. Donc, ici, on voit les images, tu sais. j'avais hâte de voir ça. Les personnages, tu sais, sont pas spécialement beaux. C'est comme laid. Ouais, c'est ça. Puis c'est toutes des copies un peu de toutes sortes d'affaires. T'sais, lui, c'est Lobo, en fait, qu'on voit de base. Ouais. Mais l'important, c'est que tu sais, c'est vraiment basé ultra cliché sur des personnages de Street Fighter. Il y a Dive et Kick, qui sont les personnages principaux. Mais ils avancent pas. Comment tu fais ça, c'est comme tu sautes, tu peux pas en divant un angle. Tu n'avances pas, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment là, ultra basique. Tu sais, ce qu'on peut voir, là, c'est ça. Dive et Kick, c'est comme c'est des demi-frères, tu sais. Ils ont été élevés ensemble. Tu sais, il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est noir. Si on regarde l'angle du Dive Kick, c'est vraiment basé sur Yun et Yang dans Street Fighter. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, dans le fond, Dive Kick, ça vient du fait que dans la plupart des jeux, les Dive Kicks, c'est comme overpowered. Ouais. Le premier à avoir eu ça, que je me souviens, en fait, c'était Akuma, quand il est arrivé dans Super Street Fighter 2 Turbo, là, vraiment, là, personnage caché, il y a un Dive Kick, c'était malade, tu sais. Puis là, après ça, ben c'est ça, dans Street Fighter 3, ben, il y a eu les fameux jumeaux. Puis, c'est tout le temps abusif, ces moves-là. Eux autres, ils ont dit, on va faire un jeu autour de cette mécanique-là. T'sais. Puis ça marche super bien. T'sais. C'est, comme j'ai dit, c'est vraiment simpliste. Tu peux juste sauter, puis diver. Puis ton personnage va automatiquement regarder du côté du personnage opposé. Fait que tu n'as aucun contrôle. C'est deux boutons. Wow. Là, tu peux les mapper comme tu veux en commençant. T'sais. Tu peux les mapper sur ton stick si tu veux. Tu peux les mapper sur tes boutons. Moi, je recommande des boutons. C'est juste plus facile. Puis, c'est tellement un jeu simple. Mais ça, c'est un bel effort, selon moi, de game design. Parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'ultra limité. Ouais. Et ça marche. T'sais. On joue à ça. Là, non, ça a l'air plate. Non, c'est pas non, plate. Non, je trouve que ça a l'air super le fun. Je dirais que ce jeu-là, il y a quelque chose. Bon, quand on joue contre l'ordinateur, c'est intéressant. Mais jouer avec un chum sous. Oui. C'est ça là, la beauté de ce jeu-là, tu sais. Ce jeu-là, il est fait pour jouer. Vous voyez, il y a un headshot. Un hit, là. C'est un one hit. Okay, exactement. Dès que tu touches au personnage, il meurt. T'sais. C'est pour ça que c'est comme par défaut, c'est 5 rounds qu'il faut gagner, pas 3 comme dans un jeu de combat habituel. Oh, oui. Puis, tu sais, vraiment, tu touches au personnage, that's it. Quand tu fais un headshot en plus pour le tuer, ben le round d'après, le gars, il est comme étourdi, il saute moins haut, il bouge moins vite. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis chaque personnage a des habilités, ils ont un angle de jump différent. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si on voit, il y a comme une bottine que vous voyez dans le fond. Ouais. Puis quand la bottine est pleine, fait à chaque fois que vous faites un dive, vous remplissez le jauge de la bottine. Moi, ce que j'aime, c'est que le gars, il a deux mains dans les poches. Ah ouais, mais c'est dive. Là. C'est un petit cool, là, tu sais. Il a les cheveux, c'est vraiment. Mais ça, c'est vraiment caricaturé là, sur les jumeaux. Là. Ça, c'est comme Yo. Avec le long toupette fond, pointu. Ouais, c'est ça. Puis ça, le toupette, c'est comme Yang. Mais tu sais, tous les personnages là-dedans sont un peu une joke qui font référence à des éléments de l'univers des jeux de combat. Ouais. Surtout Capcom, en fait. T'sais. On regarde, tu sais, il y a un gars, dans le fond, qui est comme le boss, mais pas le boss, mais le je dirais le mentor de Dive Kick. T'sais. Il s'appelle Uncle Sensei. T'sais. Puis ce gars-là, il ressemble à Chuck Norris. Puis il y a des bottes, puis il y a des bottes dans les mains, tu sais. Puis dans le fond, ce gars-là, tu sais. Puis le même, un de ses animations, c'est le dive d'Akuma quand il dive, tu sais. Puis lui, c'est aussi pour caricaturer Jen, en fait, dans Street Fighter, qui a deux stances. Fait que là, tu peux changer de stance. Là, t'as le stance sur tes pieds, puis t'as le stance sur tes mains, tu sais. Puis c'est super drôle. Ce gars-là, c'est ça, c'est le mentor de Dive et Kick, tu sais. Puis il y a plein de personnages là-dedans, tu sais, qui sont tous basés, tu sais. Tu vas avoir, il y a un traditionnel genre de petit fanboy. Genre de. T'as un petit gros avec une cape, tu sais, genre qui fait des sons horribles quand il saute. Il y a vraiment plein de monde bizarre, tu sais. Le boss de la fin, d'ailleurs, il s'appelle S-Kill. Ça fait référence à Seth Killian, qui était à l'époque là, le community manager de Capcom. Ah, c'est un gars qui joue avec les mains inversées, tu sais. Puis là, ils sont là-dedans. Puis lui, c'est le boss de la fin, tu sais. Puis c'est super drôle. Il y a un pari comme dans Street Fighter 3 Third Strike, tu sais. Ouais. Puis. En tout cas, il y a plein de clins d'œil. Si vous êtes un fan de jeux de combat, spécifiquement de l'univers Street Fighter, cette affaire-là, ça va venir vous chercher. Mais il faut que tu le saches quand même. Ouais. Faut que tu comprennes les références. Faut que tu comprennes un peu les références, mais vous allez les voir. Il y a des trucs, il y a une espèce de blaireau, en fait. C'est comme une référence à Wolverine, mais c'est un blaireau. Comme vous avez vu, il y a Lobo. Il y a des références un petit peu de n'importe quoi. Puis c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé à jouer à ça. Spécifiquement contre quelqu'un. Mm. En solo, c'est pas un jeu qui va aller avoir une grande richesse. Il y a des. Tu peux donner des points supplémentaires. Le menu, si tu veux, tu as une option pour enabler la navigation à deux boutons. T'sais. Ça, c'est le fun parce que ça te force à faire des affaires assez bizarres. Mais grosso modo, là, si vous sortez ça d'un party avec vos chums, tout le monde est un peu chaudasse. Puis l'avantage de ce jeu-là, c'est que c'est tellement simple que la courbe d'apprentissage, hein. Là, c'est peut-être nul. 3 matchs. Ouais, là, c'est ça. Fait que même si y a un gars qui c'est le pro du dive kick qui est dans la place, là, tu rentres, toi, tu joues 3 matchs, tu es capable de gagner quand même. T'sais. C'est vraiment ultra simple. Comme tu dives, comme tu jumps, tu dives. Le gars qui est le pro du dive kick, là, ouais. Get a life. Ouais, tu sais, c'est clair. Chacun en plus, les développeurs, j'ai vu quand ils l'ont lancé, ils se sont fait un cabinet aussi d'arcade. Mais voyons, il y a deux boutons. Exact, tout à fait. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, présentement, c'est ça, c'était disponible sur à peu près toutes les plateformes. Tu sais, il y avait une version PS3, c'était sorti sur Steam aussi. Ouais. Là, ils ressortent une version sur PS4. Dans le fond, la version PS4. Elle est. Next-gen en tabarnouche. Ouais, ben, next-gen. Tu sais, ça s'appelle Dive Kick Edition Edition Plus. C'est encore une fois un jeu de mots avec toutes les additions qu'ils ont. Mais elle n'est pas vraiment différente. Si vous avez la version PC sur Steam, elle va s'updater automatiquement. Ils ont rajouté des personnages. De façon notoire, en fait, Bruno, ça va t'intéresser. Ils ont rajouté The Fencer de Nidhogg. Ah ouais! Wow! Fait que là, c'est un homme pixelisé qui a pas rapport. Puis, tu sais, il y a tout le temps une trame narrative, une histoire ultra poche. Tu sais, puis le gars, genre, il se ramasse là-dedans. Ils ont fait un genre de partenariat pour ramasser aussi Johnny Gat de Saint-Tro, tu sais, qui est là-dedans. Tu sais, puis, fait que là, ils ont des façons de faire un peu d'argent. Ils ont aller chercher un contrat. Mais c'est ça, ils pourraient mettre tellement de personnages. Moi, je pense à des personnages de dessins animés, admettons. Tu sais, tu vas pogner Bob de Bob's Burger. Ouais, mais ils pourraient mettre n'importe quoi. Quoi même, ils ont commencé ça. Moi, je verrais bien Homer d'Ifkey. Moi, je verrais Homer d'Ifkey. Ouais, imagine. Fait que, je sais pas c'est quoi l'avenir, mais ils ont dit que tant que le monde jouerait en ligne, ils sortiraient un personnage par mois en DLC gratuit. Ah ben. Fait que, c'est facile pour eux autres aussi. Là. C'est comme un jeu à 10$, puis les dessins sont horribles. Ouais. c'est pas des beaux graphiques. Il n'y a pas tant d'efforts. Non, pas tellement. Puis on regarde certains personnages, c'est comme genre vraiment. Tu sais, il y a un dos dans le métro qui dessine, tu dis. Il aime vraiment ça dessiner, mais il est pas si bon que ça. Ouais. Mais lui, il a fait un jeu avec ça. C'est ça. Exact. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un excellent titre. Ça reste quand même limité dans son approche. En single player, vous n'allez pas avoir du plaisir de fou. C'est le fun, on le finit. Mais c'est vraiment, là, c'est un jeu de party. Achetez-le. T'sais, pour cette raison, moi, je donne la note de 3.5 sur 5. Par contre, pour moi, si vous aimez les jeux de combat, c'est un must-buy. T'sais. Allez-y comme ça. 3.5, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de profondeur à ce jeu-là. Mais nous, on a fait le tour rapidement. Ouais. Mais quand vous sortez ça dans un party, c'est un succès assuré. T'sais. Là, la testostérone monte. Et même s'il y aurait des femmes dans votre party, là, il y aurait une dose de testostérone inconnue à ce jour là, qui monterait dans leur corps pour gagner à ce jeu-là. Parce que c'est du plaisir fou. Puis comme je dis, tellement que la barrière à l'entrée, elle est basse, tout le monde va avoir du plaisir avec cette affaire-là. Puis deux boutons, là, c'est vraiment... En tout cas, très plaisant. No-brainer. Achetez ça. C'est à peu près 10$. Excellent titre. Mais Nick, pour être bon à ça, est-ce que ça nous prend absolument un tapis de douche Lacoste? Je pense que oui. Non, mais ça aide énormément. Pouvez-vous croire que je m'étais mis un reminder pour placer cette joke-là? Je l'ai eu en rabais. Moi, évidemment, on trouvait ça bien drôle. On voulait la ramener... propre jusqu'au bout. Bon. Right, c'est à toi. C'est à mon tour, ouais. Je vais parler, bien sûr, d'Astro Boy, qui était, dans le fond, dans ma wishlist Game Boy Advance, pas mal dans le top. Là, je pourrais te dire aussi qu'il y a Ninja 5-0 là-dessus, mais ça vaut genre 500$. Fait que, come on, fais un effort. Ouais, non, ça s'en vient. Sans les ristournes. As-tu vraiment besoin de manger pendant un mois? Ouais, non, c'est vrai. Ah, j'aime ça le ballonné, moi. Hypothèque, ouais. Jeux vidéo, hypothèque, voyons. Game Boy Advance. Ouais, c'est ça. Mais nourrir mes enfants. Ouais, exact. Mais non, papa, j'ai faim. Ça va venir. Mais en tout cas, là, j'ai comblé de quoi de moins cher. Je l'ai payé 40$ complet au Game Over Saint-Hubert. Mais il vaut à peu près genre 70-80. Et puis, c'est un très, très bon deal. Parce que c'est un jeu qui a été développé par Treasure et Hitmaker. Alors, pour les nouveaux auditeurs de Rétro Nouveau, je vais encore la ramener avec Treasure. Une coupe de jeu. Gunstar Heroes au Genesis. Dynamite Heady au Genesis aussi. Les grands classiques Radiant Silver Gun au Saturn, un excellent shmup. Guardian Heroes au Saturn, excellent beat'em up à plusieurs. Ikaruga Dreamcast, ce qui se veut la suite spirituelle de Radiant Silver Gun. Le très puissant Gradius 5 au PS2. Et puis la série Bleach au DS. connais-tu ça, Nick, la série Bleach? Ben, je connais les animés puis les mangas, mais pas ouais, le jeu. On travaillait sur la série. J'ai jamais essayé. Ouais. Et beaucoup, beaucoup d'autres. Mais Treasure est connu pour faire des jeux très d'action, frénétique, c'est rapide. Ouais, c'est Platinum rétro. Ouais, exact. Et puis, bon, Hitmaker, à ce que j'ai vu, ils se sont beaucoup spécialisés dans les jeux d'arcade, beaucoup le Dreamcast, ouais. Et puis la série Crazy Taxi. Ah ouais. Alors, moi, je suis zéro familier avec la série Astro. Et je peux vous dire que ça couvre large en tabarnak. Ouais. T'as joué toi aussi, hein? Ouais, j'ai joué, j'ai fini. L'histoire est comme huge, là. Ouais. Tu sais, je me suis comme perdu à un moment donné. C'est des cutscenes, dans le fond, entre les scènes d'action. Fait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Beaucoup d'action aussi. Moi, j'ai perdu le fil. L'histoire est difficile à suivre, mais franchement. Moi, ouais. À un moment donné, je skippais. J'étais plus capable. Là. Exact. Pour ce qui est de l'action elle-même, c'est du beat'em up, dans le fond. Avec donc, tu peux puncher. Et puis, il n'y a pas d'autres combos autres que pitonner sur ton bouton de punch. Ben, tu peux passer par en bas pour un kick qui va envoyer les méchants revoler. Et puis, ouais. Tu peux passer par en haut pour faire un genre de laser beam qui sort de ton doigt, qui est quand même très efficace, mais pas fort. Et puis, tu peux utiliser tes super bottes rouges pour voler. Tu sais, dans le fond, pour dasher là, dans toutes les directions. Comme on voit à l'écran présentement, t'as deux attaques spéciales. T'as trois attaques spéciales. Tiré du cul, mon gars. Il y a un gun dans le cul. Ouais, butthole machine gun. Ça, c'est l'attaque qui tire tout ce qu'il y a dans l'écran. Donc, il sort genre deux canons d'au-dessus du cul, puis ça tire partout. Il y en a une autre très puissante que vous allez utiliser tout le long du jeu. Ah, le gros beam. Son bras s'ouvre, puis ça fait un esti de gros beam. Il y en a un autre aussi que tu fais en pesant ces deux boutons en même temps. C'est un genre de dash attaque qui fonce dans les monts, celui qui est en avant de toi, puis qui le gruge, là, tu sais, puis qui finit par passer au travers. Donc, tout ça est très efficace et tout ça, bien utilisé, vous donnera un gameplay tout à fait agréable et frénétique et bien fait. Il y a aussi des niveaux qui sont en shmup. Ouais. Donc, tu voles et puis tu utilises. Tu payes sur ton bouton de laser. Ben, sur le bouton d'attaque, dans le fond, puis il shoot du laser. Donc, il n'y a pas d'attaque de mêlée là. C'est vraiment juste laser. Mais tu peux quand même dasher. Chose que j'ai découverte très loin. Ah ouais? J'ai jamais dashé en shmup quand j'ai découvert ça. Là, à la fin, j'ai aïe, aïe, ok. Là, c'était ça vraiment plus facile que je même. Pensais. Non, c'est très utile. Donc, c'est ça. Chaque niveau est séparé en... Mettons, t'as le 1, 1.1, 1.2, 1.3. Donc, quand tu meurs, tu recommences toujours à ton point 2 ou 3 ou 4 aussi que t'étais. Donc, tu sais, à ce niveau-là, c'est très faisable parce que tu recommences jamais complètement au début. Tu recommences où t'étais. Puis, à un moment donné, ben, tu réussis. T'sais. Donc, ça, c'était pas trop dur. Les ennemis de niveau sont pas mal tout le temps pareils. Là, des bébites, des gogos à puncher. Les boss sont vraiment le fun, par exemple. Ils sont tous très différents. Ils ont toutes des attaques spéciales. Ils ont tous aussi un brin d'histoire. T'sais, ils ont beaucoup de choses à te dire. Là. Même si on se perd un peu dans l'histoire, n'empêche, ça reste très attachant à regarder. Puis, tu sais, t'as envie d'en savoir un peu plus. Parce qu'il va dans le passé, il va dans le futur. Il y a des affaires, man. Mais Astro Boy, à la base, l'histoire est assez complexe. Ouais, probablement. Ouais, ouais. Hein. Je me rappelle la série quand j'étais jeune. Là. Moi, l'histoire la moins complexe, c'est le film. Ouais. Le film qu'ils ont fait, ils l'ont quand même bien fait parce que le fil de l'histoire est assez facile à suivre. Mais c'était pas. C'était un truc nord-américain, je pense, le film. Non, c'était japonais. Ouais, OK. C'était japonais, mais en fait, oui, il y a des Américains qui sont là-dedans, là, mais c'est vraiment basé sur l'histoire et les personnages. Dans le jeu, en très, série japonaise. Très... résumé, là, c'est genre les humains puis les robots, est-ce qu'ils sont capables de cohabiter? Okay. Est-ce que les robots vont à un moment donné comme, attaquer les humains puis prendre le dessus? Puis est-ce qu'à un moment donné... Puis, bon, je vais spoiler un petit peu. C'est là, parce les questions que ça fait quand même philosophiques partie, de l'intelligence artificielle. Ouais. Exact. Puis mettons quand tu finis le jeu une première fois, là t'as comme Death Mask qui apparaît à la fin. Viens de me spoiler le jeu. Ouais, je vous spoil tout le jeu. Ça l'apparaît avec une musique dans le ciel, c'est une grosse tête comme Chris Mepeurant, qui arrive de l'espace puis qui tue tous les robots d'un coup. Ben, ça efface la mémoire, les robots sont morts. C'est un huge spoiler, c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis là, le jeu est fini, le générique, puis tout, là, tu te dis, tabarnak, tu sais, j'ai... OK. Puis là, whoop, il y a un genre de phénix, je sais pas quoi, qui te ramène à la vie. Mais là, tu recommences tous les niveaux. Et tu les fais tous dans le même ordre, et ils sont tous pareils, à l'exception que le scénario, les cutscenes changent entre chaque. Fait que Ça, c'est cool, tu sais, c'est comme, OK, on refait l'histoire, mais là, Astro, il est au courant que quand il va dans le passé, dans le futur, puis il y a un Death Mask qui arrive à la fin, que c'est ça, cette affaire-là qui tue tout le monde. Bon, puis là, tu sais, tu vas en savoir plus au niveau de l'histoire, mais les niveaux sont tous pareils, mais ils sont un petit peu plus durs. Ah, là, j'avais pas essayé ça. C'est comme un peu plate, je trouve. Tu sais, il aurait pu créer des nouveaux niveaux, quelque chose. Oui, changer les ennemis, peut-être. Si tu skippes l'histoire, tu t'en rends même pas compte, tu sais, tu refais la même affaire. Donc, j'ai refait toute la même shit une deuxième fois. Enfin, bon, j'apprends qui a créé Death Mask, puis pourquoi ça existe, puis tous les robots méchants que j'ai rencontrés, pourquoi est-ce qu'ils sont méchants, blablabla. Puis, mais satisfait? Là, je pensais finir quand j'avais refini le jeu une deuxième fois, mais non, là, ils te font aller, tu peux retourner dans n'importe quel niveau, n'importe quand. Là, il dit, OK, ben, cherche des indices pour trouver tel bonhomme. Parce que, tabarnak, là, je cherche random à des places. OK, là, OK, ça te mène à une autre place. Fait que là, rendu là, c'est de l'Internet. Faut que tu fasses sur Internet puis tu checkes où aller parce que sinon, tu sais, tout se met de refaire le jeu une troisième fois pour être sûr d'avoir tout vu. Donc, ah, mais dans ce temps-là, tu checkes voir s'il y a un crinqué qui l'a fait 3-4 fois puis tu regardes sur YouTube. Voilà, ils l'ont tout fait, là. C'est très facile de trouver l'information. C'est juste, j'étais déçu. Je pensais finir le jeu de façon, tu sais, linéaire. Puis je me suis rendu compte que, OK, non, il restait encore beaucoup de pince à la planche à recommencer tout puis à fouiller comme un malade. Et je n'avais pas le temps. Aussi, chaque personnage que tu vois dans le jeu se développe dans ta tête de petit robot. Une forme d'intelligence, de l'empathie. Lui, c'est un bon, lui, c'est un méchant. Ça, c'est de la bravoure. OK, ça, c'est de la peur. Puis chaque personnage a une émotion rattachée. Puis à chaque fois que tu ressens une émotion, ça te donne un point que tu peux mettre soit dans ton laser, dans ton punch, dans ton boost, dans ta life. Fait que tu upgrades Astro comme ça. Ça, j'ai trouvé ça très joli, très sympathique. C'est cute. Hein? Donc, ça te force à fouiller puis à trouver tout le monde puis à reparler à tout le monde. Fait que oui, tu refais les mêmes affaires, mais il y a quand même une valeur ajoutée qui fait que tu vas être crissement plus fort en le refaisant. Ouais. Fait que si tu retournes au début, aller parler à du monde, tu vas comme juste péter toute la gang puis ça sera pas une traînerie. Puis tu l'as pas dit, mais c'est quand même assez notable. C'est un Christy de beau jeu de Game Boy Advance. Ça. Ah, c'est magnifique. Comme c'est quand magnifique. Tu l'as, on l'a regardé sur des images là, à grand écran, mais quand tu regardes ça sur ton petit écran de Game Boy, c'est mongol. Ça le fait, là. Man. C'est vraiment beau. Ça, moi, j'ai découvert ce jeu-là dans 1001 jeux que vous devez jouer avant de mourir, le livre. J'ai vu ça, tu sais. Metacritic, il a donné 85. Dans le dernier numéro de Nintendo Power, il est classé 38e meilleur jeu de tous les temps. Parce que c'est un parfait mélange de la série originale et de l'action que Treasure est capable de livrer. Oui. Game Informer, je sais pas si c'est une référence, a dit que c'était un des meilleurs jeux basés sur une série manga. Oui. Donc, vous vous trompez pas avec ça. Non disponible en Virtual Console, mais loose, tu sais, juste la cassette, là, ça doit être 15$, là, whatever. Fait que si vous êtes amateur de jeux portables ou que vous voulez jouer à ça sur votre GameCube avec votre Game Boy Player, ce qui est genre l'ultime expérience, là. Moi, je t'avais de me pogner un GameCube rien que pour jouer de même. T'en avais plein des GameCube. Non, j'en ai plein en arrière, puis on a un Game Boy Player aussi. Il n'y a jamais personne qui s'en sert. j'ai plus de place, mais il faudrait que je trouve une place, tu sais. Donc, j'ai adoré ce jeu-là et puis je donne la note de 4 sur 5. Bon 4 bien tassé, là, tu sais. J'étais content aussi de rejouer au Game Boy Advance. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur cette plateforme-là. Je me suis pas ennuyé 2 secondes. J'ai trouvé ça excellent. Donc, je recommande ça à tout le monde. Good. Great. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui fait un grand retour. C'est le reboot de Amplitude. Amplitude, c'est ça, c'est un jeu de Harmonix. C'était sorti sur PS2 en 2003, ce qui fait quand même assez longtemps. Puis c'est un jeu de rythme. Puis c'est ça, c'est un jeu de rythme, en fait, là-dedans. On incarne une espèce de vaisseau. Puis il y a quand même une trame narrative là-dedans. Ça dit que tu es en train d'aider un patient qui est dans le coma. Tu es en train de l'aider à raviver sa mémoire. Fait que bref, la façon que tu fais ça, c'est qu'en fait, dans son cerveau, ce patient-là a des tunes de drum and bass puis des affaires dans le même. Okay. Fait que... Je m'attendais pas à ça. Non. Il a fait un gros rave. T'sais. Exact. Il a fait un overdose. Ouais, il est dans le coma. Tu vas le réanimer grâce à du drum and bass. C'est ça le pire. C'est que dans les chansons qui ont été faites, c'est comme un album concept auquel tu joues. Pis cet album-là, les paroles, quand tu les écoutes, ben ça te raconte un peu justement le récit de cette personne-là, tout ça. c'est quand même assez intéressant comme concept, mais on est tellement occupé et stressé à peser sur nos boutons qu'on y porte plus ou moins attention. Là-dedans, c'est ça, comme je disais, t'es un vaisseau, puis ce vaisseau-là va tirer à trois endroits, gauche, centre, droite. Tu vas faire ça avec tes gâchettes, comme dans l'original. Dans l'original, c'était la même chose, tu peux jouer avec tes gâchettes, tu peux jouer avec tes boutons. Sauf que contrairement à l'original, là, on s'en va de gauche à droite pour nos tracks. Puis c'est ça, dans l'original, tu étais comme dans une espèce de tunnel. Évidemment, c'était quand même une grande partie de ce qui se faisait que Amplitude était Amplitude. Fait qu'ils l'ont quand même laissé dans ce jeu-là, dans cette version-là. Ils ont mis un mode où tu es dans une espèce de tunnel. Mais ben franchement, ça va beaucoup mieux comme ça. Puis aussi pour changer de track, parce que des fois, il fallait que tu ailles à la track qui est comme complètement à l'autre bout, puis c'était difficile, tu perdais tous tes combos. Là, finalement, tu peux aller juste dans le track d'à côté. Mais comment tu fais pour savoir quand est-ce que c'est le temps de changer de track? C'est ça l'affaire, c'est que tu as des sections. Fait que là, tu fais ta section, tu vois où ta section se termine, de la façon qui a été illuminée, puis là, faut que tu ailles direct à côté. Personnellement, moi, je trouve ça quand même assez difficile, merci. Ouais, ça a l'air, c'est ça. Parce que tu n'as pas énormément de répit là-dedans. Là. C'est comme tu fais ta dernière note, il faut que déjà que tu vois la note qui est à gauche ou à droite parce que faut que tu pèses tout de suite dessus. Puis c'est quand même un méga défi. Sauf que en même temps, c'est un peu ça, Amplitude. Puis dans l'original, c'était un peu ça aussi. C'est que c'était un jeu qui était quand même assez difficile. C'est pas le jeu de rythme le plus facile au monde. Moi, une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, c'est que là, t'as une campagne, mais t'as aussi un mode en ligne, mode multijoueur. Fait que ça, c'est assez cool de pouvoir jouer en gang à ça. Sauf que là, une affaire qui est poche, à mon avis, c'est la trame sonore. Ce qui est quand même assez important. Ouais? C'est comme nécessaire. C'est comme nécessaire. Mais moi, j'ai trouvé, tu sais, il y a des bonnes tunes là-dedans, mais c'est surtout des tunes qui tournent toujours autour du même genre. Tu sais, C'est du house, c'est du techno. Mais vu que c'est un Kickstarter, penses-tu qu'ils vont pouvoir avoir des DLC puis des gens qui vont embarquer avec de la vraie musique? Moi, j'ai comme l'impression, je manque peut-être un peu de foi en Harmonix, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont un peu... Ils vont juste le vendre puis ils vont laisser aller, tu penses, comme ça. Parce qu'en en fait, dans le jeu, je pense qu'il y a une vingtaine de tunes à débarrer, ce qui est quand même beaucoup. Puis comme c'est un Kickstarter, ben là, ils ont eu des backers pour faire ça, ce qui prouve qu'en fait, c'était pas une demande de... Ils ont probablement voulu lancer le projet à Sony, puis ils ont fait comme « Ah ouais, peut-être, je ne suis pas sûr. » Puis là, finalement, ben ils lancent. Le jeu est un semi-succès. C'est pas tout le monde qui joue à ça. Il y a comme du buzz, mais probablement tout le monde qui a joué à l'original. C'est ça, en fait. C'est que c'est vraiment c'est des nostalgiques qui ont acheté le jeu, d'après moi. Puis c'est ça, ce qui est intéressant d'Amplitude, l'original, c'est que Amplitude puis Frequency aussi qui avait suivi de Harmonix, je sais que toi aussi. C'était le premier en fait, Frequency, je crois. Ouais, c'est ça. Frequency c'était le premier, Amplitude c'était le deuxième, mais tu sais, t'avais vraiment une belle variété d'intunes. C'était back-à-back ces jeux-là aussi. Ils ont surfé sur la vague de Frequency pour faire Amplitude. Fait que les gens ont suivi. Là, ça fait quoi, 13 ans de ça? Ben c'est ça, ça fait un méchant bout là. Fait que là, tu t'y remets. Puis, veux pas. C'est une suite d'il y a 13 ans. Oui. Ouais, c'est en 2003 ça sorti. Puis, c'est un jeu qui était 2002 avant, qui était l'original. Là, exact. Sacrément. Parce qu'en T'es fait. En train de me dire qu'une suite de Bayou Billy est peut-être possible. C'est possible. Tout est possible avec Kickstarter. Ouais, non, mais une suite de Actraiser. Ouais, ça serait plus que nécessaire. C'est ça. Mais moi, je voudrais faire ce soir un gros shout-out à Eric Hébert du Geek Collectif. En fait, on a jasé beaucoup, moi puis Eric, lors d'une délicieuse soirée Arcade Montréal. Puis c'est ça, en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que eux autres, en fait, quand ils ont ramené ce jeu-là, parce que les gens qui jouaient à la version PS2 voulaient absolument avoir un mode multijoueur, puis il y a même du monde qui ont trouvé une façon de hacker le jeu pour jouer en ligne, puis vraiment, ils se cassaient la tête pour finir par faire ça. Fait qu'il y avait une grosse demande quand même des fans d'avoir un Amplitude 2 qui n'est jamais arrivé. Fait que c'est un peu la réponse d'Harmonix. Fait que là, ils sortent, les critiques sortent. Pas mal toutes les critiques sont d'accord sur le fait que, tu sais, dans le premier, t'avais du rock, t'avais de l'alternatif, t'avais pas de classique quand même, mais tu sais, t'avais du rap, t'avais du plein d'affaires, tu sais. Ouais, du new metal. Fait que, oui, en effet, il y en avait. Beaucoup trop de new metal. C'était le temps. Mais c'est ça. Butterfly, Sugar, Baby. T'es-tu comme, t'as-tu côté Crazy Town, genre? Ouais, il l'a fait. Butterfly. Yes, man. Ça se fait à soir. Ça, tu rentres dans n'importe quel pawn shop, tu mets ta main au hasard dans le rack, tu sors un CD de Crazy Town drette là. Là. Sans regarder. Il n'y aura jamais assez de bière pour oublier ça. Non. Mais c'est ça, tu sais, bref, je pense que c'est un jeu qui est super intéressant pour les fans de l'original. Attendez-vous à un méga défi parce que sérieusement, débutant, vous allez réussir. Intermédiaire, ça marche, mais avancé, c'est super tough. À part pour Eric Hébert. Puis, c'est ça, en fait. Il a des doigts agiles, Eric. Il est agile en tabarnouche. Ah, parce il est bon. Moi, je checkais ses scores, là. Il est tout le temps en train de bumper tout le monde d'un score là-dessus. Puis, je me dis, Christy, qu'est-ce que tu fais? Comment ça. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui jouent. Il y a peut-être un employé. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, bref, j'aurais aimé plus de variété, mais c'est quand même un bon jeu. Il est 20$, fait que c'est un pensez-y bien. Je l'achèterais peut-être en spécial, ben franchement. Genre à 10$, ça, c'est un Christy de bon jeu. À 20$, c'est un moins bon jeu. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être avoir fait le tour rapidement. Fait que, c'est ça. Je lui donne un 3.5 sur 5, ce qui est quand même une bonne note. Puis, j'espère, autant que toi, JF, qui va avoir du DLC pour ce jeu-là, parce que moi, je prendrais d'autres tonnes. Là. Sinon, qui nous ramène le premier Amplitude sur le store et le PlayStation, oui. Peut-être. Là, mais c'est ça, c'est encore une affaire de copyright, de légal, ouais, de copyright, tu sais. Parce que Harmonix, moi, entre autres, j'aurais vraiment. Moi, je trouve que le meilleur jeu du genre avec des boutons, c'est Rock Band Unplugged sur PSP. C'était vraiment bon, puis le système des tracks, tout ça, ça fonctionne. Tu pouvais acheter des tunes, tu peux avoir tes tunes que tu joues dans Rock Band. Fait que, tu sais, garder tout cet écosystème-là où tu as tout le temps tes tunes que tu achètes. Tu sais, tu devrais avoir un compte Harmonix, puis tu achètes des tunes, puis Christy, c'est là pour tous tes jeux de Harmonix. C'est une super bonne idée que tu viens de donner. Ouais, ouais. Ouais. Ça serait si simple, à mon avis, mais ça a l'air que c'est pas si simple que ça. Tu sais, à la limite, ne pas se casser la tête puis dire à la communauté, voici une plateforme pour créer des tunes. Ouais. On garde 30% puis vous gardez 70%. That's quelque chose dans le genre. Ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément. Parce que, tu sais, veux pas, là, si Amplitude, demain matin, t'ouvre la porte à plusieurs... Tu sais, pas toutes les tunes de ta librairie, mais qu'au moins, ils fassent comme Rock Band 4, tu sais, en sortent au fur et à mesure, dépendant de la popularité du jeu, tu sais, ils sortent les plus grosses, tu sais. Parce que, tu sais, Don't Stop Believing, ce jeu-là, ça serait malade. Ouais. Fait que... Ou Baby Got Back. Ouais. Mais c'est ça, fait que bref, c'est quand même bien, mais 20$, c'est cher, je trouve, pour ça. T'es bien gratteux à soir. T'as dit ça pour tes deux jeux, man. Ouais, hein? Mais tu sais, c'est parce que je commence avec le pire. Mais le meilleur est à venir. Yes, dans la deuxième partie du show. Good. Fait que c'est ça. Et sur ça, on va y aller. On s'en va en pause. Avec une pause. Et on vous revient après la pause. Yes! Oh my god, oh my god, oh my god, il y avait des noobies qui nous traitaient de Wallaxer. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god to them and oh my god to pay. Pay is a wuss. On est de retour. Oh. Officiellement. Yes. Et c'est le temps des fun facts. Oh yeah. Oh yeah. Ah, non, c'est un peu... Ça faisait longtemps, là, des petits fun facts. Là. Ouais. Oups, tellement longtemps que j'ai arrêté la musique. Fait que je vous ai trouvé un petit top 5 encore de choses louches. ou spéciales, ou qui ne devraient pas avoir ça été produit. Ça devrait pas exister, c'est ça. Puis là, je suis un spécial, je vais vous présenter quelque chose qui n'est même pas sorti encore. Oh. On sait que le rétro, c'est à la mode quand ils se mettent à sortir des figurines de vieux jeux. Hey boy, fait qu'à partir d'avril, vous allez pouvoir vous procurer les figurines de Lance Bean et Bill Reiser de Contra. Ah ouais. Ouais, ils sont tellement laids. Dans une boîte inspirée de la boîte NES de Contra, ouais, en pareil, fait. Là, mais ils l'ont comme fait faussement vieille, là, ouais, si on regarde ça. La boîte. Ouais, c'est boulu, ça, là. C'est faussement. Ça, c'est beau. Ça, c'est un... Mais les bonhommes sont laids. Dans la catégorie, j'ai le goût de vomir. Les nominés sont... Tu sais, en plus, je me trompe pas en disant que les couleurs sont inversées sur les bonhommes. Parce qu'il y a fucking pas rapport. C'est bien trop vrai, j'aime même pas remarquer ça. Ben oui, regardons ça, s'ils sont dans le champ. C'est vrai, ça, cette cochonnerie-là? Ben oui, ouais, j'ai c'est vrai, vu ça. Ça sort au mois d'avril. Ouais. Ça va être des figurines de 7 pouces de haut. qui viennent avec les armes parfait et un pour et se le... rentrer dans le cul, comme ouais. On dit. Et un power-up flottant sur une plateforme transparente. En tout cas, j'ai hâte de voir dans quel Dolorama. Ça... J'espère que ça va venir dans un Dolorama Hochelaga. Ouais, le power-up, il est beau. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a réussi. Ils ont probablement photoshopé l'affaire en arrière. C'est quoi les petits cossins qu'ils ont mis à côté? C'est comme des. C'est le spread gun. Hey, sérieux, là, le graphiste de ça, là. Mais tu sais, c'était tellement inutile de faire les balles. Non, c'est ça. Get another job. Personne ne fait ça, jamais. C'était-tu un Kickstarter, cette affaire-là, genre? J'espère que non. Ça a l'air d'une qualité de Kickstarter. C'est même pas 3D, ouais, c'est ça, c'est laid. Mais Konami déteste tellement tout maintenant qu'ils doivent avoir licencié ça. Ils n'ont même pas checké. Ouais, faites ce que vous voulez. Ouais, il faut toi aller. La merde. Contrat, de toute façon, c'est des slot machines maintenant qui mangent la merde. Ouais, c'est ça. Position numéro 4. On a tous entendu des histoires ou vu sur le net des histoires de télévision pétées à cause des Wii. Oui, we have a problem. Oui, we have a problem. Avec ça, je pense qu'on passe à un autre niveau de danger. Calvaire! ça s'appelle le Wii Football. Avec ça, c'est sûr que tu brises une vitre chez vous, au moins. Là, c'est 10$ sur Amazon en ce moment. C'est compatible avec une TV, c'est 700. Mais en fait, c'est ça. Puis tout ce que ça fait, c'est que ta manette est dans un ballon, puis tu fais juste comme le mouvement de lancer le ballon. Là, pour mais il y a des boutons sur les lacets. Les lacets devant! Des références des Ventura. Les lacets, tu sais, du ballon, puis un gamepad, là, des croix, dans le fond. Ce que je trouve vraiment weird, c'est la liste des jeux compatibles. C'est compatible avec les jeux de Madden de 2009 et plus, Blitz, NCAA Football et Brunswick Pro Bowling. Ah! Qui n'a pas envie de jouer au bowling avec. C'est ça. Ouais, bowling d'un air comme un ballon de football. Si, boy. Achetez pas ça, s'il vous plaît. Ça sert à rien. Anyway, qui c'est qui a ces jeux-là et qui joue à ça? Mais ça, là, ça a un historique dans un sens. T'sais. Ces produits-là, il y en a eu un paquet de produits de boîte là, de d'attacher ça à votre Wiimote. C'était fait pour que le gars chez EB Games, quand il y a une maman qui vient acheter un Wii, le genre, hey, ton enfant, il devrait jouer avec l'épée pour jouer à Zelda. Ah, ben Zelda, oui. Ouais. Ben il m'en oui. a un. Ouais, faux, mon gars, il voudrait ça. Faux bouclier, puis une fausse épée. Puis c'est exactement ça. Ça, là, dans le fond, on va le dire, là, c'était juste pour faire du gros cash sur le dos des mamans qui connaissaient pas. Ben justement, ma mère était tombée dans le panneau avec les accessoires de sport au début de Wii Sport. Ah, ben puis j'ai cassé une lumière au plafond avec la raquette de tennis. Ça, j'ai défoncé la manette. Ça servait à rien d'autre. Tu faisais juste briser ton matériel avec ça. Exact. Bon, c'est sûrement le même dude qui a pensé à ça. En position numéro 3, si je vous dis le Aura Interactor, est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Non. On va monter les images ici. Vincent Daniel, il y en avait un de ça avant. Ça, c'est une affaire que tu te mets sur la poitrine, puis ça vibre à chaque fois qu'il y a un son à basse fréquence qui est entendu dans le jeu comme un tir de fusil, mettons. Mais le problème, c'est que le software fait pas la différence entre un coup de fusil ou une note de basse dans la musique. Fatiguant. Fait que ça fait juste vibrer non-stop. Hey, comment ça devait coûter cette affaire-là? $160. J'imagine même pas dans. C'est plus cher que la console. Ah, c'est ça. Dans Mass Effect, là, avec les espèces de gros monstres. Là. Ah, mais. Ouais, les Reapers, ça te fait exploser le dos. Là, mais ça, c'était Sega Genesis puis Super Nintendo, à ce que je vois sur la boîte. Là. Fort probable. Imagine. Déjà, là. C'était beaucoup d'argent dans ce temps-là là, pour les guenilles pareilles. Mmh. Ouais. Un item de collection, malgré tout. C'est sûr que ça vaut cher aujourd'hui. Ah ouais, il doit pas rester avec la boîte et tout, ça doit avoir une certaine valeur. Mais là, tu peux t'en servir pour autre chose. Ouais, non, c'est ça. C'est ça de même. Tu mets ça sur le chess à ta blonde. Puis... Ouais. J'aime ça quand tu dis une certaine valeur. Ça demeure assez vague pour pas dire que c'est de la sorte. Mais je voulais dire, mettons que t'as la boîte puis toutes les composantes puis tout ça puis que c'est propre, ça peut peut-être valoir 40-50$ pour les collectionneurs crinqués, tu sais. Mais justement, là, on parle de choses qui vibrent et on va rester dans la vibration pour mon numéro 2. Oui. Vous souvenez-vous du jeu Rez? R-E-Z. Ah ouais, mais hein. Ouais. Qui était un jeu de musique. Il va revenir en HD. Ah ouais, pour vrai? Yeah. Il y a un truc qui est sorti seulement au Japon qui s'appelle le Rez Trance Vibrator. Alors, c'est ça ici. Okay. C'est la petite affaire qui a l'air d'une souris. Ça vibre. Ça venait dans une édition spéciale du jeu Rez sur PS2. Cet accessoire-là vibre au niveau... vibre avec le son de la musique, mais plus fort que la DualShock. Tu te mets ça où? Ouais, tu c'est mets ça, ça où? Ben, en fait, il y a eu beaucoup de reverse engineering qui a été fait là-dessus pour l'utiliser de façon genre... t'sais, non conventionnelle, en gros guillemets. Là, en prison, mettons. Ouais, le, c'est ça. Le plus étrange de ce bidule-là, c'est de savoir... Où est-ce que les développeurs voulaient que tu mettes ça? Ouais, ben c'est ça. Là. Ouais, parce qu'on dirait, on dirait une souris d'ordi que tu mets ça à la table, puis t'as la titre. Ils le mettent là, puis... Ça se connecte pas à une manette. C'est selon. Là, ça me fait chier parce que j'avais une publicité du Japon de ça que j'ai comme je l'ai pas, on dirait, avec moi, là, mais c'était deux Japonais en Beden qui jouait à Rez puis qui se touchait les têtes là, puis qui se pognait comme ah, puis il shakeait, puis ça durait 15 secondes, puis c'était juste ça. Wow. Classique louche du Japon là. Ah, ouais. J'essaierai de le poster peut-être sur une page Facebook là, mais c'est ouais, je pense que c'est sûr que bon, tu vraiment faire ça. Partage ça. Ben, c'est parce que là je me suis brûlé les rétines moi, ces images là chez nous là, c'est, je peux pas être le seul à souffrir de ça là. Mais t'as pas d'autre option à part te mettre ça dans les culottes, sérieux. Après ça seulement pourquoi le Québec va mal. Le Canadien a perdu à soi, pas pour rien. Parle-moi en pas, parle-moi en pas. Je sais. Fire Terrien is not draining. Mais tu sais, imagine là, la quantité de. La quantité de ressources qui était là-dedans, là, ça, là, c'est au moins là, 80 litres d'eau, là, juste pour faire une patente dans la main. C'est vrai, ouais. C'est dégueulasse. Ouais, le plastique, mais le packaging est beau, la boîte, je la trouve belle. Ça fait. Ben, tout ce qui était avec Rez, c'était magnifique. Ouais, c'est ça. Mais Trans Vibrator. Ouais. C'est clair que, mettons, justement, on revient dans le temps. Là, on parle du 2003, là, quand il y avait des raids et que le monde tombait dans le coma. Oui, oui, oui. Tu vends ça. C'est là, le bon temps. Ouais. Ah ouais, ça, même, tu fais du cash comme ouais, avec sûr, des grands pantalons blancs. Ouais, là, ouais, c'est les. C'est toutes les candy. Ah, c'est ça, les candy ravers, ils en voulaient tout un. Ils ne savaient pas. Je sais pas si ça résistait au VIX. Faudrait faire des recherches supplémentaires. Et en numéro 1, là, tout à l'heure, on a parlé de la Wii et ses accessoires vraiment médiocres. Ben oui. Ça, là. C'est une aberration totale. Je peux même pas croire que ça existe. Ça s'appelle les Wii Wings. Alors, les ailes de Wii. Les ailes j'ai même pas le goût de vous le montrer. J'ai vu les ailes de poulet. Ouais, moi aussi, les Wings. C'est terrible. Voyons! Ça, là, OK. Ça, les Wii Wings, il y a rien d'électronique là-dedans. Rien, là. J'ose espérer que la fille se prend photo. C'est juste un morceau de tissu. Ça, là, c'était fait pour... Eux autres, ils appelaient ça pour créer une expérience plus immersive. Fait que ça nécessite seulement de les attacher après tes bras puis de tenir debout sur le Wii Balance Board. Puis c'est tout. Pauvre ça, c'était fille. Un. Ouais, ça, c'était un des mini-jeux que tu faisais. C'était fait seulement pour le mini-game dans Wii Fit Plus. Bird's Eyes, Bull's Eyes. Ton Mii était déguisé en poulet, genre, puis tu volais, tu sais. Alors, ça ne sert absolument qu'à ça. Un mini-game. Wow. J'ose espérer que la modèle, là, c'est photoshopée sur elle. Parce que t'imagines-tu, tu t'en vas en studio. On va prendre des photos, mets ça dans tes mains. Ouais, mais check sa main dans les airs, là, est comme ben trop grande. Ouais, puis elle est comme écartée. Elle sa face. Elle est écartée, puis elle tient même pas sa Wiimote. Ça marche pas. Ben oui, c'est ça. Elle a même pas de Wiimote dans les mains, en plus. Ça marche pas, son apport, man. D'après moi, c'est vraiment de l'escalade. Caca, ça, mon Dieu. Ah, c'est terrible. Il y a du monde qui ont acheté ça. Là. Combien ça coûte, ça? J'aime autant pas le savoir, je te dirais. J'ai pas fait des recherches sur le prix, mais c'est pas bien cher, j'ai l'impression. Un indice, trop. Trop? Ouais. T'as payé pour ça, t'as payé trop cher, des gens importants. C'est pas un don. C'est trop cher. C'est carrément un morceau de tissu avec une ganse. Christ. That's it. C'est épouvantable. Il y a de l'argent à faire avec n'importe quoi, je peux vous le dire. Ah ouais. D'ailleurs, après le show, je vais mettre quelque chose en ligne à vendre. C'est un t-shirt qui m'a appartenu. Que tu portes présentement. Que je porte présentement. Donc... non lavé. Alors, sur cette aberration, ça fait le tour de mes fun facts pour cet épisode. Wow. C'est magnifique. Toujours fascinant. Ouais. Fascinant. Ah, c'est un peu troublant quand on fait des recherches là-dessus, là, sur le net. Des fois, tu tombes sur des affaires comme ça, là, les Wii Wings, j'en revenais pas. Je le présente-tu, ça, ou c'est une joke? Ben non, tu le présentes maison. Je pensais que c'était une joke au début ou un truc de 1er avril, mais non, c'est vraiment, là, ça existe. Il y a du monde qui l'ont acheté. Là. Ah. Ne dépensez pas votre argent pour rien. Ce sera le conseil de la soirée. Ah, mais j'imagine, moi, tu sais, mettons un épisode spécial des dragons, là. Ouais, moi je vais lancer ça là, tu sais, c'est tellement ramassé. Ça serait le seul épisode où les dragons cracheraient vraiment du feu là, pour immoler le gars ou sur encore, plate. Là, t'es dans la période où Louis là, il est comme en feu. Puis le monde, oh bonne idée, ça va être malade, c'est tout ce vent sur Louis, tu sais. C'est comme moi, c'est sûr là, que ça là, tu lances l'argent, tu sais. Exactement. Le bling, ils prennent des pauses avec ça, tu sais. Mais aujourd'hui, on a un peu une thématique. Ma chaîne a remonté dans le temps pour faire des affaires cool avec ça. Ouais, c'est vrai. On va faire ça. Si vous en avez une à la maison, vous pouvez l'envoyer. On donne l'adresse sur le site web. Merci. Ah, on vient de perdre le technicien. Ben ouais, bon. Il est parti checker l'adresse. Ouais, oh. Fait que, c'est incroyable. Moi, je vais vous parler d'un jeu encore. Ça s'appelle Among the Sleep. Among the Sleep, c'est un survival horror. Horror. Ça, c'est horreur après deux bières. Horror. Survival horror. Je vois que c'est développé par Krillbit. Oui, Krillbit. Également publié par Krillbit. C'est du krill, là. Les c'est comme, insatiables. C'est du plancton, ouais, c'est ça? C'est Brad Pitt dans le film. Ou des bébites dans Gears of War. De la merde de krill. Ah, il disait ça en français dans Gears of War. Ça m'a marqué. C'est krill bite, en fait. En fait, c'est des... Krill bite. Il me semble que c'est des Norvégiens, krill bite. Mais ça, c'est le jeu qui est le fruit d'un morsure Kickstarter. De morsure de plancton. Ouais, c'est ça. C'est vraiment morsure de krill. Fait du krill. Continue, Bruno. On pourrait donner un pointage à Krill Bite ou Krill Bit. Ouais. C'est ça, fait que Among the Sleep, c'est un jeu qui est né d'une campagne Kickstarter. Puis c'est ça, là-dedans, on incarne pour la première fois un bébé. En fait, un bambin. Je pense qu'il doit avoir peut-être 2 ans, je dirais, avec la grandeur qu'il y a. Puis c'est ça, on va commencer ça, là. Survival horror avec un bambin de 2 ans. Ben là, ouais, c'est ça. Oui, monsieur. Il marche à quatre pattes, hein? Comment c'est est-ce ironiquement possible? 13 ans ou plus, hein? Oui. Mais c'est ça, c'est bref, là-dedans, on se lève un matin, puis notre maman est là pour nous voir, puis là, elle vient nous chercher dans notre lit, puis après ça, elle dit « Bon, viens-t'en, c'est ta fête, j'ai un cadeau pour toi », puis finalement, tu ouvres ton cadeau, puis c'est un petit ourson, et le petit ourson Teddy, ça va devenir ton ami, puis justement, Teddy te parle, toi, tu parles pas vraiment. Puis tu vas suivre Teddy, il dit « Hey, on va jouer à un jeu ensemble », puis vous en allez dans le garde-robe, puis vous êtes plus capable. Ouais. Hey, j'ai de résister, cœur. On va jouer à un jeu ensemble, il est on va aller dans un garde-robe. Non, mais c'est ça. Ils vont dans un garde-robe pour justement se sauver du méchant. Ah, OK. OK, fait que Teddy, c'est vraiment un ami. Oui, Teddy, c'est ton ami. Puis là, tu t'en vas dans le garde-robe, puis après ça, ben, t'es plus capable de sortir du garde-robe. Puis là, ben, tu rentres dans le garde-robe, puis là, tu t'en vas à plusieurs endroits, puis tu te rends compte, finalement, pour pas vendre une tonne de punch dans le jeu, parce qu'il y a vraiment une trame narrative hyper intéressante, que tous les endroits où tu vas, c'est en fait ta vision, ta perception des environnements qui se retrouvent dans ta maison. Fait que dans ta maison ou dans ta vie. Fait que si tu vas te retrouver... à l'extérieur, dans un endroit qui ressemble au parc, mais la nuit, le parc est extrêmement creepy. Puis le fait que tu sois aussi petit que ça, ça fait que tout est pris sous un autre angle, tout est grand, puis tout est épeurant, en fait. Comme à un moment donné, justement, au début, tu es dans le garde-robe, puis il y a des espèces d'imperméables, puis il y a des vêtements. Regarder des vêtements dans un garde-robe d'en dessous, c'est vraiment creepy, là. c'est toutes des affaires que... Moi, je me disais, en voyant ça, je dis, ben voyons donc, ça sera pas épeurant pantoute, mais c'est vraiment épeurant, c'est vraiment glauque. Puis, il faut ramasser, en fait, des mémoires. Il faut ramasser des souvenirs qu'on a aimés. T'as 4 ou 5 souvenirs à ramasser pour te rendre à la fin. Puis, tu vas suivre ton Teddy. Puis, quand, justement, tu veux... Quand tu veux avoir de la lumière, tu sers ton Teddy puis ça va faire de la lumière autour de toi. Sinon, c'est quand même assez sombre. La partie Survivor. C'est ça. C'est que en fait, là, t'avances, tu fais tes affaires. Tu t'essayes de trouver des clés pour te rendre à telle ou telle place. Puis à un moment donné, apparaît une espèce de monstre. C'est comme une espèce de grande bébite avec des cheveux tout croche. C'est plus comme un ombre. Puis elle fait vraiment peur. Puis elle, ben si elle t'attrape, ben t'es fait, t'es mort. Fait qu'il faut que tu reviennes, puis il faut que tu te rendes à la fin, puis tout ça. Fait que souvent, il faut que tu passes du point A au point B pour te rendre à la fin d'un niveau. Puis c'est assez, tu sais, c'est ce qui est le fun, c'est que plus tu avances dans le jeu, plus ta perception des choses est déformée. Fait que tu commences, puis c'est vraiment, on reconnaît ta maison, puis l'environnement de la maison. Puis plus ça avance, plus tout ça s'est déformé. Puis tu regardes aussi certaines affaires qui sont là, puis tu t'aperçois que c'est des trucs... de ta maison, des trucs que t'aimes. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant de voir... C'est comme une spirale de paranoïa, dans le fond, genre qu'un enfant de 2 ans... Ben, en fait, non, c'est parce que l'enfant est effrayé. En fait, il est de plus en plus effrayé parce qu'il n'arrive pas à trouver sa mère. OK. Puis c'est ça, là-dedans, tu sais, tu peux marcher à 4 pattes, tu peux agripper des choses, puis il faut que tu grimpes sur des affaires. Fait que, tu sais, t'es extrêmement limité, tu peux pas faire grand chose. Fait que tu sais, t'as des petits puzzles là-dedans à faire, puis t'avances, puis tout ça. C'est pas un jeu qui est extrêmement long. C'est un jeu qui dure environ, là, si tu le fais d'une shot, ça va prendre environ 2 heures, 2 heures et demie. Quand on termine, il y a un prologue qui se débarre, qui était comme un DLC d'une demi-heure. Fait que, tu sais, c'est pas un jeu qui est super long, mais l'histoire est écœurante. C'est vraiment bon. Le punch de la fin vaut l'achat. C'est vraiment, moi, c'est un jeu qui m'a hyper surpris. Puis j'ai commencé à jouer, puis sérieusement, j'étais pas intéressé. Je trouvais que les personnages étaient, tu sais, j'avais vu le personnage de la mère. Je trouvais qu'elle était pas super bien fait. Tu sais, le Teddy, il me faisait peur. Je le trouvais creepy. Puis j'étais comme, voyons, c'est ton ami. Pourquoi il est creepy? Puis finalement, tu regardes tout ça dans l'ensemble, puis tout fait du sens, tout fonctionne, tu sais. Comme, mettons, rejouer aujourd'hui à Alone in the Dark, c'est aussi creepy, puis pourtant, les bonhommes sont vraiment mal faits. Mais c'est une affaire d'ambiance. Le son là-dedans est hallucinant. Okay. Fait que des fois, il se passe absolument rien, mais le son est tellement épeurant qu'il se passe de quoi? C'est un univers qui est vivant, même si c'est une nature morte. Fait que c'est vraiment un jeu incroyable. Je lui donne la note de 4 sur 5. C'est bon. Si j'avais joué à ça l'année passée, je l'aurais sûrement mis dans mon top 10. C'est vraiment un des jeux les plus surprenants. C'est intéressant quand même. C'est vraiment... Le concept est super intéressant. Ben oui. C'est la première fois qu'on a quelque chose du genre. Puis même moi, en regardant ce jeu-là, ça te fait réfléchir aussi quand tu es un parent sur l'impact que les paroles puis les gestes d'un parent a sur un enfant de cet âge-là. Fait que, puis aussi de voir comment lui voit le monde, tu sais, les développeurs. J'ai vu une entrevue avec les développeurs, puis eux autres, ils sont vraiment, tu sais, ils ont mis une caméra sur la tête d'un bébé. Ouais, une GoPro sur la tête d'un bébé pour voir justement comment ils voyaient, puis comment tout est... Puis tu sais, c'est vraiment intéressant le processus de création pour un jeu comme ça, puis de faire cette idée-là. C'est sûr, j'en aurais peut-être pris plus, mais à cause du narratif, de la façon que c'était fait, sérieusement, le 2 heures, c'était parfait. C'était comme un film, en fait. C'est ça, c'est ça. Fait que, puis tu sais, c'est pas un jeu qui est super cher. C'est un jeu qui est une dizaine de dollars quand même. Mais tu sais, c'est un jeu qui va arriver. Il va revenir super souvent en spécial, je suis persuadé, là. Fait que non, c'est très, très, très, très bon. Une des grosses surprises de l'année passée, en fait. Ouais. Excellent. Avant d'enchaîner avec l'autre jeu, je veux juste souligner sur notre photo Instagram qui s'est faite également mettre sur Facebook automatiquement. Ouais. Ouais. Donc, nous autres, on est de même. On est des magiciens de l'informatique. Et sur Twitter aussi. Et sur Twitter aussi. Il y a Laurence Samuel Beaulieu qui a commenté notre photo et qui dit Donc, je sais pas de qui elle parle. Peut-être l'ensemble. C'est comme une belle brochette d'hommes là, sur cette photo-là. Il y en a pour tous les goûts. Merci, 5 beaux bonhommes. Merci, Laurence. Si vous aimez les hommes caucasiens, bien sûr. On n'a pas beaucoup de diversité, malheureusement, dans la trentaine. C'est vrai. Si ton commentaire touchait vraiment notre allure physique plutôt que le bol de Doritos, là, on ne sait pas trop. C'est vrai. On va le prendre. C'est le cas. Merci, parce que les hommes, on se fait pas souvent dire qu'on est beau, je trouve. Non, c'est vrai. Hein? On dit toujours aux filles qui sont belles. Les gars, on se fait pas dire. On devrait ramener ça en 2016. Ouais, plus de compliments féminine, pour les gars. Ouais, je suis d'accord. Plus mais de c'est compliments. Vrai. Nous autres, c'est non dit. Là. T'es un gars, Chris. T'es un gars, fais ton job. C'est correct. Fais ta gueule. Ouais, c'est ça. Pas tant, là. Mais, presque. Ouais. Mais ouais, non, moi, je pense que les gars sont martyrisés. Je suis d'accord. Alors, merci. C'est bien gentil. Bon. Fait que là, on arrive à la portion de discussion, en fait. Moi, j'avais monté un petit dossier, tu sais. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Divekick, c'était comme un segue envers la discussion qu'on allait avoir. Donc, les jeux de combat, tu sais. Ou les jeux de baston, si vous nous écoutez. Ah, la baston, ça, ce terme-là. Ben, les jeux de baston, c'est plus comme un beat'em up. J'ai remarqué ça avec le temps. Quand je travaillais avec le vénérable Denis Talbot, il me disait qu'il y avait vraiment une différence. Il y a vraiment un jeu de combat. Un jeu de combat, c'est un contre l'autre. Un jeu de baston, c'est quand tu t'avances un peu à la Final Fight. Un beat 'em up. All right. En tout cas, là, je parle de jeu de bataille, de combat. De combat. De jeu qui va jouer en, mettons, un one-on-one multijoueur. Ouais. Donc, il y a des gros titres qui sortent cette année. Fait que je pensais que c'était important d'en parler. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ont une grosse anticipation par rapport à certains titres. Donc, je ne voudrais pas attendre. Je pense que celui qui est le plus attendu, ça reste Street Fighter V. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment... Il est tellement beau. Hein? Il est superbe, ce jeu-là. Ce jeu-là va sortir à la PS4 et au PC exclusivement. Donc, Sony a fait un deal avec ça, c'est un gros move. C'est un gros, gros move là, que je m'en... Moi, j'étais chez Microsoft. Là. Ils, sont, oh. ils ont sûrement pas Est-ce trouvé ça très, très drôle. Là, aussi, là. Donc... Mais c'est, il me semble, si je me trompe pas, c'est ça, c'était Adam Boyce. C'est lui qui est responsable pour ça parce qu'il était chez Capcom avant. Oui, exactement. Fait que... il connaissait les dudes, puis il connaissait aussi le pouvoir d'attraction de cette franchise-là, ouais. qui est quand même... Elle a énormément de fans dédiés. T'sais. Fait que les fans de Street Fighter, dont je fais partie, tu sais, il y a... T'aimes Street Fighter, tu vas acheter. T'sais, moi, j'ai acheté Street Fighter 4 dans toutes ses versions existantes, PC et PS3, tu sais. Ouais. En plus de numéros, dans un nombre... Je donnerai pas un nom de stick et de manette reliés à ça. J'attends que je trouve la bonne combinaison que je voulais. Là, mais juste pour vous dire un peu que c'est du monde très passionné qui n'hésite pas à mettre de l'argent. Et d'ailleurs, moi, j'ai été drillé à l'arcade où tu vas en mettre des grosses pièces dans ce jeu-là. Ouais. Anyway, fait que eux, ils ont continué cette mentalité-là. Par contre, le fait intéressant, c'est que Capcom a mentionné que cette fois, il n'y aurait pas la version là, super, ultra, deluxe, genre... Ouais. Non. Ça va être des updates. Ouais, ça va être des updates un peu plus réguliers. Fait qu'un petit peu comme... C'est beaucoup mieux, ça. Ben oui, puis ça va devenir... On respecte plus le joueur. Ben oui, puis ça devient un petit peu plus comme... On cochonne moins à franchise. Aussi. Ouais. Ouais. Non, mais à un moment donné, ça vient lettre. À un moment donné, ça devient, tu sais plus quelle est la bonne version. Ouais. Mais tu sais, c'est pas mal en ligne avec le reste du jeu multijoueur de 2016. Tu ouais. regardes les MOBA, là, on parle souvent de League of Legends. Dota 2, tu sais. T'as pas d'autres versions, c'est tu vas avoir un numéro de build, tu sais. C'est ça que ça va être, mettons. Street Fighter, le build ouais. 1.01. Là. Fait que ça va sûrement devenir ça, puis ils vont mettre des nouveaux personnages en DLC au fur et à mesure. Ce jeu-là, ce qui est intéressant, en fait, c'est si vous êtes un fan de la série depuis longtemps, pour moi, avec ce que j'ai eu comme information présentement, je le vois comme un enfant entre Street Fighter Alpha 3 puis Third Strike. Street Fighter 3, Third Strike. Okay. Fait que tu sais, il y a des petits éléments là-dedans. Le mouvement est un peu plus lent que Street Fighter 4. Ça ressemble plus à du Street Fighter 3 au niveau du style. T'sais. Okay. Il y a même au niveau des combos. Si vous avez joué à Street Fighter 4, tu fais un jab. Ouais, ouais. Puis ça a été enlevé. Fait que tu peux plus juste faire ça. C'est vraiment... La philosophie derrière du jeu, c'était vraiment on va se commettre. Quand tu fais un move, t'sais, faut vraiment que tu aies pensé puis il y a des conséquences. Puis quand tu fais un Shoryuken, tu peux pas juste spammer ça. Parce que là, tu deviens vulnérable puis... Il peut te faire un move. Ça, c'était le bout de fatigue. Ouais, mais là, maintenant, quand tu fais un Shoryuken, tu deviens vulnérable, puis si la personne te fait une attaque après, ben, ça va te mettre dans une espèce de crumple state. Là, fait que là, tu vas être vulnérable, tu vas prendre plus de dommages. Fait que ça, c'est super intéressant. Dans le fond, si vous connaissez un peu les mécaniques, ils ont ramené le jauge EX. Dans le fond, ça sert à deux choses. Vous pouvez faire, mettons, une boule de feu un petit peu plus puissante, mais ça sert aussi à faire ce qu'on appelait à l'époque le super combo. Maintenant, il s'appelle le Critical Arts. Dans le fond, là. Donc ça, c'est très, très traditionnel. Ça vient de Super Street Fighter 2 Turbo. Mais ils ont quand même rajouté des affaires intéressantes. Pour ceux qui aiment le Stun Meter qu'on avait vu dans Street Fighter 3, Third Strike, c'est là. Donc, vous savez jusqu'à si votre ennemi est prêt ou pas d'être assommé. Okay. Fait que vous pouvez continuer d'appliquer de la pression jusqu'à temps que vous l'assommez pour ensuite faire un combo... je dirais, plus dommageable. Là. Ça, c'est vraiment le fun. Les gens le demandaient. Ensuite, faire le 4, il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, j'aimerais savoir le Stun Meter. » Le Stun Meter, il est tout le temps là. Il existe dans la mécanique du jeu, mais il était juste pas affiché. Ouais, là, il est pas visible. Bon, exact. Mais là, il est affiché. Fait que c'est super. Là, on peut savoir quel move fait combien de stun. Mais tu le vois visuellement à l'écran. T'sais. Avant, il fallait aller dans le practice mode puis apprendre. Ça fait 100, ça fait 200. Fait que c'était pénible. Fait que vraiment, là, ce jeu-là... Cette jauge-là, elle monte en bloquant aussi, j'imagine? Ben si non. Tu attaques tout le temps. Non, mais elle descend pas si tu bloques. Donc, quand tu attaques, tu vas pouvoir la monter. Okay, okay, okay. Mais quand ça bloque, la personne... Parce que la jauge, naturellement, elle va descendre si tu prends pas d'attaque. Okay. Pendant un bout de temps. Fait que si tu sauves de ton bord avec Chun-Li, mettons, là, ça va descendre son jauge. Mais si tu continues une pression, ça va être... ça va juste faire que tu vas pas perdre ton jauge actuel. Autre chose qui est intéressante, si vous êtes familier avec le chip damage, en fait, tu sais, il y a du chip damage qui a été rajouté dans ce jeu-là, mais le fait le plus important pour moi qui est notoire, c'est qu'on peut plus finir l'adversaire avec une bonne vieille boule de feu à quand il n'y a plus de life. Quand il n'y a plus de life. Le cheesy, comme on dit. Tu peux pas le cheesy. Fromage qui apparaît. Hein? Exactement ça. Tu peux pas le cheesy. Ils ont enlevé ça, cette option-là. Fait que dans le fond, s'il te reste une. Un de HP. Tu peux le bloquer ben, pareil. Tu peux bloquer toutes les attaques, mettons, normales, sauf le Critical Art va faire du dommage, fait que tu peux faire ton super. Mais une boule de feu normale va pas faire ça. OK, c'est bien ça. Ils ont rajouté aussi, tu sais, dans le fond, Street Fighter V, c'est V en chiffre romain. Donc là, tout est V là, là-dedans. Fait Street Fighter V. Street Fighter V. Ils ont rajouté un V, un jauge V. Puis ça, ça fait trois nouvelles affaires. Merci. Ben, de démontrer à tout le monde comment on visualise cette lettre. Ouais, c'est ça. Ça fait des années de télé. Moi, c'est... On voit l'expérience, ça va bien. Moi, j'avais aucun support visuel. Les mains servent à rien. Tu sais, c'est que... Il y a le V-Skills, en fait, qui est vraiment cool. Le V-Skills, dans le fond, c'est chaque personnage a une habileté qui lui est propre. Fait que cette affaire-là, vous le faites, puis ça va donner un petit move spécial qui va pouvoir remplir votre jauge V. Par exemple, Ryu, ce qu'il va faire, c'est il va faire un pari qui a été emprunté à Street Fighter 3, dans le fond. Mais, il va parier sur les Mets. Oui, exactement. Il va faire un sportif. Non, non, il va faire un pari sur les joueurs de tennis, voyons. Ouais, Fait que non, un bon vieux parry. Ouais. Tu vois, Bison, lui, va être capable d'absorber M. Bison, Dictator, pour ceux qui sont des puristes. Il va être capable d'absorber, en fait, une boule de feu. Fait que chacun a quelque chose de vraiment cool. Okay. Rainbow Mika, qui est dans le jeu, qui, moi, c'est un de mes personnages... La petite lutteuse. Favori, la petite lutteuse de chez Final Fantasy 3. Là. Elle va pogner son mic, puis elle va commencer à, genre, se donner un pump-up speech. C'est vraiment... Puis là, elle fait gonfler son dommage avec ça. C'est vraiment... Chaque personnage a quelque chose de très, très différent. Ça, c'est une belle mécanique, selon moi. Tu vas aussi être capable de faire un V-Reversal. Ça, dans le fond, si vous avez joué à Street Fighter Alpha, c'est l'Alpha Counter. Même affaire. Okay. Vous avez besoin du... merci de faire le signe de Alpha. Ben, super. Ouais, je pense avoir un assistant visuel. Support visuel. Ouais, merci, excellent. Dans le podcast, ça va moins bien sortir, mais allez voir la version vidéo parce que voilà. C'est vraiment super. C'est nécessaire. Donc ça, c'est ça fait ce que ça dit. Là. Ça va faire un contre... Vous êtes en train de bloquer, vous contre-attaquez dans le fond avec ce move-là. Et un truc qui s'appelle le V-Trigger. Quand vous avez votre jauge V qui est remplie, vous activez ça, puis ça donne des propriétés qui diffèrent d'un personnage à l'autre. Mais souvent, ça peut faire bouger le personnage plus rapidement. Chun-Li, elle va aller plus rapidement, elle va pouvoir enchaîner certains moves. M. Bison, par exemple, il va se téléporter. Ryu va ça, faire... Ça m'énerve. Ah oh, ouais! Ça va pouvoir aller à l'arrière des gens, même en dashant. Ryu, lui, va avoir de l'électricité dans sa boule de feu comme un des... Ça se passe. Ouais, c'est ça. fait que ça va être vraiment intéressant. Puis ils ont rajouté des nouveaux personnages, dont un gars qui s'appelle Fang. Ça fait que là, c'est comme. Ah ouais, un nouveau. C'est un nouveau boss, lui, parce que Sagat n'est pas dans le jeu à la sortie. Ah, okay. Wow. Ça va décevoir bien des gens, mais Sagat n'est pas là. Par contre, tu sais, Vega va être là. Bison, le boxeur, a été annoncé comme un des DLC. Quoi? Bison, le boxeur? Ouais. Balrog. Balrog, pardon, ouais. C'est le nom japonais, excuse-moi. Balrog a été annoncé comme un des DLC. J'ai vu un grand retour tantôt, notre copain Charlie. Oui, Charlie est de retour, puis il est comme un peu mort, tu sais. Fait que c'est comme un genre de version zombifiée de Charlie. Ouais, il y a des morceaux, robots, mi-homme, mi-métal. Exactement, là, puis il est vraiment hot, puis il est très différent parce que Charlie est un personnage avec des charge moves, on peut dire. Vous tenez à l'arrière 2 secondes. Ouais, c'est ça. Puis Last Hour, c'est plus ça. Ah c'est non? C'est des demi-cercles. Oh, fait que c'est très rapide comme action. Ah, ça change complètement son personnage. Mais tu sais, il y a Vega aussi, le masque, Claw, dans le fond, là, si vous connaissez. Ouais. Lui, il est dans le jeu aussi. Puis, ils ont enlevé ses mécaniques de charge. Fait que ce jeu-là est vraiment plus rapide au niveau d'exécution. Bison a encore des trucs avec des charges. M. Bison, le dictateur. Honda. Mais Honda n'est pas dans le jeu. Par contre, non. Mais t'as Dalsim et Zangief qui sont revenus. Ouais. Fait que, tu sais, dans les vieux, là, tu vois, il y a Ken qui est là. Ken, il y a un genre de suit d'entraînement futuriste, là, tu sais. Puis, ils ont beaucoup changé. Ken et Ryu, de version en version, ils s'éloignent de plus en plus. Ouais. Dans ce jeu-là, ils sont encore plus loin, tu sais. Il y a un paquet de monde là-dedans. Il y a Birdie, de Street Fighter Alpha, servait. Puis Birdie, c'est hot parce que Birdie, c'est un punk. C'est Carl Carmoni. C'est un punk d'origine africaine. Birdie! Birdie! 2000$ la coupe! Une belle référence. Ça se pourrait! Ça se pourrait! Du réseau des sports. Les auditeurs français doivent rien comprendre. Non, non, non, non, non. C'est une référence au mini-pot local. Ouais, le mini-pot. Brossard, très local. Mais c'est parce que, tu sais, c'est un gros punk, tu sais, puis le gars, c'est un black, puis, tu sais, un punk dans la vie de punk, là. À un moment donné, tu pognes une bédane parce que tu bois de la bière et tu fais des abus. Ouais, wow, wow, wow. Mais Birdie, fait que là, il y a une bonne bédane, tu sais, puis il mange entre les. Tu peux faire. Lui, son V-skills, dans le fond, c'est qu'il slack quelque chose à manger. Il était déjà pas mince. Non, là, mais il était beefy. C'était comme un portier, ce gars-là. Ah, ma soeur, il y a une bédane qui va avec. Puis il y a des nouveaux personnages comme. Il y a Rachid, qui est un personnage du Moyen-Orient. C'est ça que je vais en tête. Il ressemble pas du tout, mais c'est bon, on peut sortir. Peut-être c'est lui d'ailleurs qui va remercier la prochaine personne qui donne au Patreon. Ouais, c'est ça. Ouais, pendant hein? qui travaille sur ses imitations. Nick Ali, qui est comme une espèce d'homme primate. Tu sais, genre primaire, homme des cavernes un peu. T'sais, lui, il ressemble. Il bouge un peu comme Wolverine dans les séries. Genre, mettons, Street Fighter versus Marvel. Marvel, ouais. Fait que, il y a aussi Laura. Laura est comme une fille qui fait du jiu-jitsu brésilien, qui est beaucoup trop sexy pour moi, tu sais, genre, il n'y a aucune raison ce que tu fais ça, des arts martiaux. Ça, c'est tout le temps, genre, pourquoi? C'est ça, t'as comme un... Qu'est-ce que tu fais en haut de bikini, tu sais, alors que tu t'en vas faire un combat? J'ai fait 16 ans d'arts martiaux, je peux vous dire, c'est jamais arrivé. Oui, c'est ça, tu sais. Mais bon, je pense que ça doit vendre, tu sais. Ça, c'est une thématique récurrente. Ben oui, ben oui. La plupart des jeux que je vais vous parler, là, ils ont mis juste trop de peau, tu sais, ouais, pour ça. Vendre. T'sais, moi, je sais qu'il y a un marché pour ça. Moi, personnellement, c'est pas ça qui va m'attirer. Moi, j'aime ça des gens plus réalistes, tu sais. J'aimais bien Makoto, en fait. Je suis... Elle est réaliste, t'sais. Elle a une vraie badass karate girl, tu sais. Mais là, en fait, ben Laura est cool. Ses moves sont vraiment, vraiment cool. Mais elle est un peu trop sexy, je pense, en tout cas. Moi, je regarde la série Street Fighter, puis plus ça avance, plus ils me perdent. Parce que je trouve que c'est vraiment rendu pour les pro-gamers. Ouais, on est vieux, nous autres, là. Fighter. On se fait déculotter en deux secondes. Que là. Dans mon temps! Ouais. Capcom a voulu retourner à quelque chose d'un peu plus facile. Donc, la barrière à l'entrée, elle est moins élevée que Street Fighter 4. Okay. Fait que ça, c'était leur parce but. Street Fighter 4, ouais, je réussis ouais, jamais mais Street à... Fighter 4, là, en plus, il y avait des affaires à manier complexes. Tu pouvais abuser l'engin puis faire des trucs qu'on appelle Option Select. Ouais. L'engin va déterminer le meilleur outcome pour toi. T'sais, c'est assez complexe. Ça, c'est pas ça. Tu presses un bouton, ça te commet. Tu manges une shot, ça y est. Okay. C'est à peu près ça qu'on voulait faire. Puis c'est plus simple. Fait que la barrière à l'entrée pour Street Fighter 5 a été abaissée. Fait que okay. C'est le but, c'était d'aller chercher des nouveaux fans. Parfait. Donc, gros titre qu'on attend énormément. Ah oui, vraiment. Autre titre, là on a parlé de quelque chose qui est un peu hardcore. Il y a un gros. Il y a du gros competitive gaming là-dessus. C'est eSport. Allons parler d'un autre titre qui va peut-être plaire à un autre titre de clientèle. J'avais-tu les images des films? Oui, j'en ai, vas-y. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais vous parler de Pokken Tournament. C'est quoi Pokken Tournament? Grosso modo, c'est pas mal ce que vous pensez. C'est Namco Bandai qui a développé le jeu, donc c'est basé sur, mettons, l'engin de Tekken, mais avec des Pokémon. Fait que ça fait quelque chose d'assez intéressant. Ah, c'est vraiment un mélange des mots, c'est, là. Pokken. C'est Pokémon Tournament. Exactement. Oh, shit. Même la signature la est pareille. La signature est pareille, là. Puis, tu sais, puis si on regarde vraiment, là, ça, c'est comme, imaginez un Tekken avec des Pokémon un petit peu plus casual. Donc, vous avez des trucs caractéristiques de Tekken. Là. C'est vraiment un arena là, en 3D, là, proprement dit, mais qui est sur 2D, puis tu peux side-scroller. Puis les personnages là-dedans, c'est des Pokémon qui combattent. C'est vraiment très cute. Ça a l'air très intéressant. Moi, ce jeu-là, en fait... J'ai comme envie de commencer à aimer les Pokémon pour jouer à ça. Ben, ce jeu-là, tu sais, si vous avez joué dans le temps à Pokémon Stadium, là, c'était... Pokémon Stadium, c'était pas satisfaisant. Ouais. On disait... C'est pas ça que je veux. T'émènes un stade, je veux qu'il combatte. Ouais. Ça, c'est exactement ça. C'est du combat là, de un Pokémon contre un autre, puis ils se battent. Il y a aussi la possibilité d'avoir des Pokémon qui vont devenir des... Il y en a une couple qu'on aime là-dedans. Il y a Machamp coups. Qu'on a vu à l'écran. T'sais. Il va y avoir Lucario. Là-dedans, ils ont aussi rajouté... Ils ont Mewtwo, mais il y a une version Shadow Mewtwo. Oh. Ça, c'est sûr que lui, t'sais, il va être puissant. Il y a Charizard, un favori de tous. Et un qui m'intrigue le plus, que je veux absolument jouer, puis j'ai été voir des images en ligne spécialement, qui va sûrement être le favori de GF ici, c'est Pikachu Libre. Donc, ah ouais, Pikachu, c'est Pikachu en luchador. En luchador. Et ils ont changé tous ses moves, puis il fait genre une descente du coude. Genre, il va faire un body slam, tu sais. C'est vraiment hot, là. Nice. Fait que ça, ce jeu-là, tu sais, vraiment, il était pas sur mon radar. Puis j'étais voir les images. Ça, ça va se vendre, mon écoute, gars. Écoute, ça va être une exclusivité Wii U, bien sûr. On parce le voit, que, là. Pas, Ouais, c'est ça. Ça c'est Pikachu Luchador, puis Pikachu. Exact. Pikachu Libre. Il est pas du tout comme le Pikachu normal. Oui, il y a un peu d'électricité, mais regardez ça d'une drop. Tac. C'est des moves. Un show de la 14e corde. Ah, exact. Mais ce jeu-là, il a l'air vraiment super fun. Puis l'affaire qui est intéressante par rapport à beaucoup d'autres titres, c'est que sur Wii ça a U. été vraiment... C'est sur Wii U. Tu sais, Wii U, il y a Super Smash Bros. c'est pas mal ça d'un jeu de combat. C'est ça. Si vous n'aimez pas un style, vous n'êtes pas super servi. Ça, c'est vraiment ça. C'est un Tekken démocratisé avec des Pokémon. Puis, il y en a en masse de Pokémon combat. Là. Il y a une bonne liste. Il y a aussi une bonne liste au niveau des assistances. Ça va être quelque chose de bien intéressant et ça supporte les méga évolutions. Fait que j'ai hâte de voir là, ce que ça va donner. Là. Mais c'est un beau titre, Wii U, qui va sortir à un moment donné. Hello les Amiibo, hein? Sûrement qu'ils vont vendre des Amiibo. Le jeu sans m'approprier. Pikachu là, libré, puis ça gagne. Ouais. Mais moi, je vais l'acheter, Pikachu libré. Là, il a l'air trop malade. J'ai un mode Wii U, je pense que je le prendre moi tous. Fait que, en tout cas, une belle découverte à faire. Ce jeu-là est sorti, je pense, dans les arcades au Japon, mais la sortie précise pour le Wii U n'est pas encore annoncée. Autre jeu, donc on a parlé de l'engin Tekken, on va parler de Tekken 7. Tekken 7 est sorti en fait en arcade, puis tu sais, à ce temps, on s'entend qu'à Montréal, il en reste pas mal, juste une sur 5-4. Puis elle a plus vraiment une belle diversité pour les jeux de combat, elle est pas mal en retard. Plus de la simulation, puis des jeux de danse, puis de char. Fait que ça... Il y a une version console qui s'en vient, donc c'est dans le fond, c'est Tekken 7, Fated Retribution. Puis un des faits intéressants là-dedans. Heihachi, on pense tout le temps qu'il est mort, mais il revient, tu sais. Dans ce jeu-là, il y a vraiment. Il est important il est comme au cœur de l'histoire, tu sais. Comme toujours. Parce que des fois c'est Jin, des fois c'est son fils Kazuya, là, tu sais, il y a tout le temps du monde. Mais là, cette fois, on a Kazumi Mishima, qui est la femme de Heihachi. Et elle va être jouable dans le jeu, et c'est aussi le boss de la fin. Dans le fond, si vous connaissez là, le soap opera de Tekken, il y a le fameux le gène du diable, là, le Devil Gene, et c'est elle, Kazumi Mishima, qui l'a introduit dans la famille. Donc, Kazuya, son fils, là, et Jin Kazama, là. Donc, elle, c'était l'original. Ouais. Puis, la twist intéressante, c'est quoi la différence entre Tekken 7, Tekken 7 Fated Retribution? En plus d'avoir plus de tableaux puis tout, il y a Akuma qui est dans le jeu. J'ai juste de le voir. Là, c'est comme... Tabarnak. C'est vraiment, là, ils ont fait un deal avec Capcom, puis ils ont mis Akuma dans le jeu. Puis si tu regardes les moves, ben c'est clairement ses moves normales, tu sais. Il fait une boule de feu. Et ça, d'ailleurs, c'est un des éléments nouveaux de Tekken. Akuma n'est pas le seul à avoir un type de projectile. Akuma a une boule de feu traditionnelle, là, mais il y a d'autres personnages, dont Kazuya, ont des genres d'extension des moves qui s'apparentent un peu à une boule de feu. Fait que ça, c'est nouveau pour la série. Dans le fond, ce jeu-là, ça va sortir avec 28 joueurs qu'on va pouvoir. Personnages qu'on va pouvoir jouer. Il y en a 20 qui vont être à la sortie. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il y en a 8 autres qui vont être disponibles dans le temps. Si vous avez joué à Tekken à l'époque, en arcade, Tekken 1, 2, 3, ben il y a des personnages qui se débarraient avec le temps. Ouais, okay? Puis là, ils ont reproduit ça avec ce jeu-là. Moi, je trouve que le clin d'œil est génial. Là. C'est une super bonne idée. Tu sais, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, personnage caché, là, tu vas voir tout de suite Game Track, puis tu le sais, puis c'est poche. Mais eux, ils vont les sortir avec le temps. Un petit peu, je pense, vraiment là, dans en la tradition... Smash, en fait. Ouais, mais dans la tradition Tekken, ouais. Smash le fait. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais moi, j'aime ça. Donne-moi un petit peu de goodies là, pour un petit peu garder un mystère ou quelque chose qui va sortir. Oui. Donc, ça va être là. Garde-moi ça, la belle scène. Ah, ça vient de finir. J'allais à Akuma puis Kazuya qui allait comme... Un clash épique. Là. C'était vraiment la fin du vidéo. Ouais, mais j'ai regardé les personnages qui viennent de défiler à l'écran. Ouais. J'en connais fuck all, là. Ben, il y a beaucoup de nouveaux personnages qui ont été introduits. Toi, j'imagine, t'as arrêté à Tekken 3, Tag Tournament. Ouais. Fait qu'ils en ont rajouté plusieurs, dont des favoris là, dans le futur. J'ai reconnu King, Arang. Ouais. Arang, c'est quand même cool. Jin va être là, Kazuya va être là, Heihachi. Tu sais, t'as Jack, mais la version 7 qui va être là. Ah, c'est-tu qu'on s'en calisse de Jack? Un peu, là, mais... Arrête de... Voyons, Chris. Mais moi, je trouve que pour le monde cool. Ça, je trouve justement, c'est une série qui a très bien évolué. Parce que moi, contrairement à Street qui m'a fait décrocher un peu, Tekken, j'accroche de plus en plus parce que je trouve qu'il donne beaucoup d'outils dans le jeu pour les newbies. Ouais. Tu sais, t'apprends à jouer comme un pro, mais il te donne ce qu'il faut pour que tu puisses apprendre comme du monde. Et en même temps, là, si t'es old school puis qu'à l'époque de ton PlayStation 1, t'as joué à Tekken 3, puis t'apprenais les strings, j'ai joué genre. À ça en malade. Ben, ces strings-là sont encore utilisables. Je sais pas pour le 7, là, mais t'sais, dans les autres versions de Tekken, là, fait que tu prends Heihachi ou ce genre Jin Kazama, c'est. Je serais pas perdu. C'est 10 strings, là, comme on appelle, il était là encore. Là, t'sais. Fait que là, il y a des nouveaux personnages intéressants. Je voulais mentionner un gars qui s'appelle Gigas, qui a l'air d'un badass, genre un mélange de Bane, de Batman. Avec un genre d'Omega Red, il y a des tubes qui sortent un peu partout. Il a l'air vraiment badass, puis ça en a un espèce de cyborg lui avec. Ah, c'est ça. J'ai pas entendu la voix, tu sais, mais peut-être qu'ils vont pouvoir t'offrir une opportunité dans Tekken. Oui, Stephen, ben oui. Déjà pour faire la version anglaise. Je recherche un emploi. Ben est dispo pour ça. Il y a d'autres personnages que je voulais parler. Il y a Lucky Chloé. Tu sais, genre, on parlait dans le fond de un du commerce. Un beau nom de danseuse. Non, on parle du commerce, de la commercialisation de la femme dans les jeux de combat. Puis ouais. Ça, c'en est un vraiment là, pour un certain type de personne. Puis je sais qu'il y a plusieurs auditeurs de Retour Nouveau qui vont se reconnaître là-dedans. T'sais. On parle d'une otaku qui porte un costume de chat. Fait que ça, c'est le personnage qu'ils ont mis dans le jeu, tu sais. Puis sa technique de combat, c'est de la danse. Alors, j'en dis pas plus. Ce personnage-là était ultimement pas supposé d'être disponible en Amérique du Nord. C'était comme un personnage qui a été créé pour l'Asie. Je suis pas sûr s'ils vont l'avoir dans le jeu ou pas, mais connaissant, il y a tout le temps des fans furieux qui disent « Ouais, moi, je veux Lucky Chloé! » Pour des raisons obscures, tu sais, mais... « Je veux Lucky Chloé! » Ça se peut ben gros que... On live. Fait que ça, en tout cas, on verra. Là, ça. Stay tuned. Quand le jeu va sortir, checker si Lucky Chloé est là. C'est vraiment du fan service pour un type de joueur là, qu'on pourrait appeler un peu pervers. Donc, un peu? On va dire ça. Je voulais mentionner, j'ai Kazumi Mishima, qui est la femme à Yashi, mais l'affaire de cool là-dedans, c'est qu'un de ses moves, c'est summoner un tigre. T'sais, genre, tabarnouche. Elle donne un coup de tigre, littéralement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est notable dans un jeu, mais c'est toujours bon. Un coup de tigre. Ouais, fait que. Puis il y a Akuma qui est dans le jeu qu'on a tous vu. Fait que je pense cette affaire-là, moi. Tekken 7, moi, j'étais. Honnêtement, le. Tu sais, 5. 6, j'ai pas joué du tout. 6, j'ai embarqué ça au bout. Moi, j'ai essayé la version gratuite, là. Ouais. Free to play, j'ai pas trippé. Non. Là, le 7, par contre, il a attiré mon attention. Fait que je pense que je vais me le procurer. Et mon dernier jeu. Ça, on a parlé de nos fans de Retour Nouveau qui sont pervers. Puis, dans le fond, j'ai. Toute cette gang de. On a eu un speech offline, tu sais. Puis, tu sais, les gars m'ont dit, tu sais, on a des fans pervers. Puis, on fait jamais rien pour eux autres. C'est exactement. Vrai, c'est vrai. Tu sais, ils nous envoient des demandes, puis des photos. Puis, il faudrait vraiment faire quelque chose pour eux. Fait que, c'est pour ça à la demande chat, de Bruno ça, et Tom. Puis, tu sais, Jeff a incité beaucoup. Il dit, dans Google Analytics, tu sais, je le vois, tu sais. Le deuxième site visité après Retour Nouveau quand c'est il nous quitte. YouPorn. Exact. Fait que. Donc, on fait quelque chose pour vous ce soir. Il y a un jeu qui s'appelle, une série qui s'appelle Dead or Alive. Vous la connaissez sûrement. Mais là, je vais vous parler de pas vraiment un jeu de combat, mais d'un spin-off qui s'appelle Dead or Alive Extreme 3. C'est comme Paradise, ça? C'est très, très semblable, en fait. Mais ça, c'est comme, c'est toute une série de mini-jeux de filles du jeu en costume de bain. C'est 9 héroïnes du jeu. Puis, ce jeu-là, ce jeu-là vous donne des trucs essentiels comme ce qu'on voit à l'écran. À perdait son top. Des problèmes de bikini. Il va y avoir aussi un mode... C'est devenu une vraie farce. Un mode de caméra. Je pense. Okay. Hey, c'est vraiment un mode jeu qui sert juste à bouger la caméra puis regarder les modèles, OK? Tu sais, ça, c'est vraiment le Nec Plus Ultra, tu sais. Tu sais, le fameux Because It's 2006, là. ça passe pas vraiment, tu sais. C'est extreme! Celle qu'on voit aussi à l'écran, qui est quand même étonnante, là. Tu sais, on parle de... Sample! Sample! Ouais. C'est terrible. Le rond avec... Oh, calme! Mais la fille qui s'appelle Marie-Rose, là, c'est comme une... C'est comme une teenager de genre 14 ans, tu sais. Moi, je suis profondément mal à l'aise avec ce jeu-là, puis je me dis... C'est qui c'est qui achète cette affaire-là? Ah, j'en connais au moins un. Ah, en masse. Je parle pas de moi. Là. Non, mais en tout cas, tu sais, je veux dire. En tout cas, c'est un jeu ultra malaisant. Mais rendu là, pourquoi tu vas juste pas voir de la porn? Ben, c'est parce que cette affaire-là, c'est un peu intéressant. C'est parce que ça, tu peux la regarder parce dans le métro. Il y a un nouveau mode, en fait, que tu vas pouvoir dater ces personnages-là. Oh, non. Là, c'est dans ce jeu-là, tu sais. Ça va sûrement être un fun fact, ça, là. Calvin! Et d'ailleurs, la version coussin doit exister. La version coussin, ça va bien. Il va sûrement y avoir, tu sais, des périphériques officiels. Mais un truc intéressant, c'est que... C'est quand même qu'on arrête d'en parler. Ouais, Dominique n'a pas pu se retenir. Il a pas pu supporter. Les images étaient beaucoup trop, tu sais. Mais ce jeu-là était supposé de sortir seulement en Asie. Parce que je pense qu'au niveau des critères, qu'est-ce qui est acceptable de façon sociétaire, c'est différent, tu sais. Ouais, mais Paradise est sorti ici, puis sérieux, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, tantôt, on parlait du gars qui dit « Ouais, mais moi, je le veux, ce jeu-là. » Ouais. Il y a eu une pétition de fans furieux. Quand ce jeu-là... Oui, vous irez voir, en fait, toute l'information reliée à ce jeu-là. Une pétition de fans furieux qui a dit « Nous, on le veut, ce jeu-là, puis je veux payer pour. » Fait que là, ces gens-là, vous avez gagné. Ce jeu-là va sortir. Et il va sortir sur PS4 et Vita. Alors... ça s'en vient quelque part en 2016. On est-tu vraiment en 2016? On est en 2016. Puis, ben, faut dire, quand on était petit, on avait le catalogue Sears. Eux autres, ils ont des jeux vidéo. Des mais le catalogue Sears, c'était des vraies photos, par exemple. C'était pas des pixels. Ouais, non, c'était des vraies photos. Il y a quelque chose de weird avec ça. Mais ce jeu-là, honnêtement, tu regardes un peu... tu regardes la transformation que Lara Croft a subie, qui pour moi, c'est pour le mieux. Ouais, vraiment. T'as quelqu'un qui est clairement un personnage de bimbo à genre une badass comme woman, femme modèle. T'sais, ça, c'est bon. C'est sain pour l'industrie du jeu vidéo. Tu regardes... moi, j'ai bien aimé... En fait, moi, bon, je suis biaisé sur BioWare, mais ce que j'aimais, c'est que tu peux choisir le sexe du personnage. Ça peut être une Shepherd, fille. Ta Shepherd, c'est un tueur autant d'un côté comme de l'autre. Ça peut être une fille, puis elle peut être badass en tabarnouche. Ouais. Fait que pour moi, c'est comme 2016, c'est ça que je m'attends. Je veux des personnages féminins forts, puis qui sont pas nécessairement les stéréotypes des personnages normaux. Evie Fry dans Assassin's Creed, qui est vraiment... Ouais, mais ça, j'ai pas encore joué, mais apparemment, vraiment cool comme perso. Donc, c'est ça que je m'attends. Puis là, après ça, t'as comme Dead or Alive Extreme, tu sais, qu'on appelle Doax 3, tu sais, pour le suivre. Tu sais, si vous parlez à quelqu'un, puis tu dis, Doax 3, t'sais, ou genre DOAX, là, fait que votre ami, c'est un pervers, s'il utilise l'acronyme pour décrire ce jeu-là, tu sais. Il y a Chrono Trip dans le chat qui dit que probablement qu'ils ont racheté le bidule de Rez Trans Vibrator tantôt, le Dead or Alive, mais ils disent pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Mais écoute, on regarde ça comme ça. Pour une raison X là, dans ce jeu-là, s'il y a des fans de Virtua Fighter, je pense qu'ils ont rajouté deux personnages de Virtua Fighter féminins. Fait que, si à l'époque vous aimiez les gros polygones, puis que c'était ça votre c'était trip, épouvantable là, à regarder. C'était horrible, mais bon, donc ça va. C'était innovateur. Puis j'aimerais parler après, peut-être super rapidement, de peut-être l'enfant pauvre des jeux de combat de 2016, qui est Mortal Kombat X, dans le fond, qui a eu du gros succès en 2015, puis là. Ça commence à s'essouffler niveau communauté. Puis là, on a tous ces titres-là qui s'en viennent. T'sais, Tekken, ça va faire mal. Street Fighter, ça va faire encore plus mal. Puis... DOA Wardrobe Malfunction. Ça va aller chercher d'autres mondes qui disent « Je vais avec Milena juste pour avoir un maillot de bain. » Il y en a qui font ça. Mais là, ils sortent le Combat Pack 2. C'est sorti déjà. Puis là, ils ont sorti des personnages. Puis là, ça appartient à Warner Brothers. Puis c'est un peu décevant ce qu'ils ont fait comme choix. Au lieu d'aller chercher des personnages de la série Mortal Kombat que les gens attendaient, ils ont décidé de prendre Triborg, qui est un nouveau robot, peut-être comme Cyrax puis Sector. Fait que là, tu sais, lui, tu dis OK, il est badass, c'est cool, c'est un nouveau personnage. Yes. Mais ils ont mis Bo Rai Cho, qui est le gros dude que personne aimait, tu sais, qui était sous en se battant. T'sais. Personne ne voulait ce gars-là, mais ça reste un gars de Mortal Kombat. Mais ce qu'a mis les fans en furie, c'est qu'ils ont rajouté Leatherface là-dedans. T'sais. Ils avaient rajouté Jason, puis ils disent ça a peut-être du sort. Là, Warner Brothers a dit hey, je possède les licences là-dessus. Là, ils ont mis Leatherface dans Mortal Kombat, ils ont mis Alien. Ouais, Alien, ça a plus rapport. Ça commence à être lettre. À un moment donné, t'es rendu, là, tu plantes tes IP. C'est le fun quand les personnages sont humanoïdes, là, mais Alien, ça, là, c'est... On va mettre les personnages de Matrix bientôt aussi. Ouais. Ah, mais là, il avait mis Predator, il avait mis Jason, tu sais. Là, à un moment donné, ils ont commencé juste à plugger leur franchise pour être cool. Ouais, c'est ça. Mais selon moi, c'est peut-être pas la meilleure chose. Tu sais, quand tu vois la compétition que t'as au niveau de tous les jeux de combat, puis tu sais, dans un jeu de combat, on s'entend, surtout en 2016, là, la compétition est en ligne, faut que tu maintiennes ton pool de joueurs en vie. Si le monde joue plus, c'est fini. Là. Ton jeu va juste... Ouais. Ça va s'accélérer, puis le monde va arrêter de jouer. Moi, et je te le dis, fais un pack des Looney Tunes, puis j'embarque. Ça doit s'en venir, Bruno, parce que Bugs Bunny était assez sadique à un moment donné dans exact. Cet épisode. Là, puis, un pack de... ça tire des... Ça fait de la chasse sans arrêt. Canon, c'est vrai, 12 coupés, carabine trompette, tout le kit. Carabine trompette. Carabine trompette. La suggestion est lancée. Fait que ça, c'est un peu un round-up des titres majeurs de fighting pour 2016. Grosse année, tu sais, il y a du monde. On pense notre ami Zef qui s'est acheté un gros tabarnouche de Ori Stick de compétition et qui attend Street Fighter 5. Il l'a acheté en plus. Qui attend Street Fighter 5 avec beaucoup, d'anticipation. Moi, j'attends qu'ils partent une ligue de Street Fighter ici, d'ailleurs, et dans notre projet à venir, là, il en a parlé, fait qu'il faut qu'on en reparle jeudi. Là. Street Fighter 5... Là, tes enfants sont venus grandir plus vite, toi, petit gars, que tu viennes combattre. T'inquiète pas, ça, ce jeu-là va me permettre de ne pas dormir plusieurs nuits d'une façon vraiment très, très motivée. Donc, c'est ça pour 2016, les jeux de combat, alors... Laissez-nous savoir ce que vous en pensez sur la page Facebook de Rétro Nouveau. Excellent. Fait que... Il en reste un? Ouais. M'en faire une autre critique. Oh, Chris! T'as donc bien dit ça pour gamer, Bruno. Ah ben oui. Ça n'a pas de sens, mon gars. Mais en fait, c'est parce que je joue. C'est des jeux de 2 puis 6 heures, là. Là, une chance. Là. Ah, ouais, c'est ça, exact. Non, puis j'ai joué pas mal pendant les fêtes, puis finalement, j'ai pas parlé de tant d'affaires que ça. Puis je joue avec mes kids aussi qui me torchent à certains jeux. Là, je vais parler de Runbo, un des grands oubliés de toutes, en fait. Runbo, c'est un jeu qui est disponible sur la Wii U seulement. C'est un jeu pour toute la famille, vraiment pour tout le monde. Tu peux jouer jusqu'à 9 à ça. Wow, ce qui est quand ça même. Ça prend 9 Wiimote, par exemple. Et il faut être millionnaire. Ça te prend, en fait, ça te prend 8 Wiimote. T'as juste des chums qui ont des Wiimote. Ouais, c'est ça, t'as juste à avoir des chums. Mais c'est vrai. Désolé, j'ai des enfants en place. Un choix dans la vie. Pas de Wiimote. C'est ça. C'est un choix dans la vie. Hein. Fallait faire le gazon puis donne-leur un 5$ jusqu'à temps qu'ils puissent s'en acheter. Eh oui. Il vient d'avoir 3 ans. Il faudrait que je le tape. Hein. Je sais pas, faudrait que je trouve une façon. Il travaille à cet âge-là. Travaillez. Travaillez. Oui, travaillez. Travaillez. Voyons. Développement économique du Québec. Voyons. N'oubliez pas. Un Québec Lucien. Un Québec Lucien. Fait que dans Runbo, là-dedans, en fait, on incarne des petits personnages colorés dans des tableaux colorés. Oui, des petits personnages. Des petits personnages. Puis c'est un platformer à la base. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre jusqu'à la fin du niveau pour attraper un trophée en le premier. Puis la twist, c'est qu'il y a tout le temps des passes de couleurs sans arrêt. Puis ces couleurs-là vont faire disparaître ce qui est de la même couleur dans l'écran. Ce qui fait qu'il faut tout le temps que tu sois sur tes gardes parce qu'une plateforme peut disparaître d'un moment à l'autre. Ouais. Et puis là-dedans, tes mouvements, c'est que tu sautes, tu as un uppercut, puis tu as un punch. Puis ça, il faut que tu t'en serves vraiment judicieusement pour pouvoir te rendre à la finale. Au départ, c'est vraiment un jeu qui est fait pour jouer en multijoueur. C'est fait pour jouer en gang. C'est vraiment le fun. Sauf que ils ont quand même décidé de mettre un mode en ligne. Donc, si t'es comme Dom et t'as aucun ami, tu peux jouer en ligne avec tes amis sur ta Wii U en plus. Maintenant, t'as une Wii U. Fait que c'est ça. Puis là-dedans, il n'y a pas juste le mode normal où on se rend jusqu'au trophée. Il y a un mode aventure aussi dans lequel tu vas faire des défis pour te rendre justement jusqu'à la fin du niveau. Il y a des espèces d'arènes de combat, des arènes un peu à la Smash. Donc justement, tu vas te frapper, mais il y a des parties du tableau qui vont disparaître, tout ça. C'est un jeu qui est vraiment rapide, frénétique. Ça joue vraiment, là, je veux dire, n'importe qui est capable d'apprendre ce jeu-là en 2 secondes. Shovel Knight. Puis oui, il y a des personnages, à peu près tous les personnages des jeux indépendants importants qui sont sortis en 2015 sont là-dedans. Nice. Fait que ça, c'est le fun, t'es débarres tout le temps. Il y a même, Christy, il y a même la princesse dans Shoryu. Ah ouais? Le jeu de Frima, ouais. Tu sais, Shoryu. C'est qui le bonhomme vert, le sais-tu? En fait, c'est qu'il y a les bonhommes de Runbo, justement. C'est des bonhommes. Ah, okay, y en a aussi dans le jeu, ouais. C'est ça. Fait que t'as tes bonhommes principaux de Runbo. Puis après ça, t'as. C'est ça. Il y a le bonhomme de Tesla Grad. Il y a, voyons, Colin, le bonhomme de Xeo Drifter est là. Ah ouais? Ouais. Wow. Voyons, Colin, Gunvolt. Ah est ouais? Là. Ouais. Chris, fait non, que, ben, hot, y a vraiment. Ça prend le jeu. Non, mais sérieux, moi, des clins d'œil de même, j'aime tellement ça. Non, c'est ça qui me fait triper. C'est vraiment cool. Ben, tu vas triper en maudit à ce jeu-là. Puis c'est super, super, super le fun. C'est vraiment. C'est quand même assez. Assez difficile, mais c'est le genre de jeu que tu recommences tout le temps. Ça me parle, moi, ça. Ça va être cool. Ben oui. Puis t'as des power-ups. Si seulement t'avais des amis. Ben, ça s'en vient, là. Les amis vont venir. Là. Mais t'as des power-ups aussi là-dedans. Fait que tu peux changer des affaires. Tu peux changer la gravité. Tu peux changer... Ouais, c'est ça. Admettons, t'es en train de courir après un autre bonhomme. Ben là, tu pognes quelque chose, puis ça switch ta position avec la sienne. Fait qu'il est tout perdu. Puis une autre chose que j'ai bien aimé, c'est que à toutes les fois que tu tombes dans le trou ou que tu meurs, ben, l'écran de Game Over te donne tout le temps un message différent, puis c'est tout le temps baveux. Genre, ça dit comme « Ah ouais, pour vrai ». T'sais, mettons que ça te prend bien du temps à finir le tableau puis que tu meurs souvent, il dit « Bon, ben, m'allez me faire un sandwich, moi, tu sais. » Ah ouais. Il est vraiment baveux, puis il y a beaucoup, beaucoup de phrases sur les écrans de Game Over, ça m'a bien fait rire. C'est vraiment, vraiment génial, ce jeu-là. Pour moi, c'est, si t'as une Wii U, il faut absolument que t'aies ce jeu-là parce que c'est pas mal le meilleur jeu de party sur la Wii U, d'après moi, là, présentement. Puis c'est ça, à noter. Notre bon ami Nick Chalifou nous a... on avait essayé de jouer au Weekend Gaming à 9. Ah ouais? On n'avait pas réussi parce qu'on connectait plein de manettes. On pognait justement le gamepad, une Wiimote, une autre manette, justement les espèces de controller pro qu'on essayait de connecter. Donc, on se mettait à 9 avec des manettes différentes. Ça fonctionne pas pour jouer à 9. Ça fonctionne juste pour jouer à 4 quand tu mélanges les manettes comme ça. Si tu veux jouer à 9, faut que tu joues un gamepad puis 8 Wiimote. OK. Fait que c'est la seule façon de le faire. Fait que c'est ça. Beaucoup de modes, beaucoup de contenu à débarrer, une tonne d'affaires. C'est vraiment un jeu qui est génial, incontournable de la Wii U. Je lui donne un 4.5. Wow! Ah ouais, hein? Ça, oh, c'est... T'as une Wii U, achète-le, sérieux. Puis c'est le meilleur jeu pour jouer avec n'importe qui, en fait. Même ta blonde va triper si elle joue pas pantoute. Ta mère... pense à ta mère. Fait que c'est ça. Appelle ta mère. Ouais, appelle ta mère. Appelle ta mère, dis que tu l'aimes. Appelle chaud, là. 11h30. Dis, appelle-la. C'est Bruno vient de me dire de t'appeler. Mais vite, maman, faut qu'on raccroche. Faut que je me télécharge un wallpaper de DOX. 3. 3. Ah, si bol. Merveilleux. Fait que, ouais, fait que c'est ça qui est ça. Quand même, c'est fort les gars. Okay. Fait que aussi, voyons, on avait des notes là ici là que j'essaie de retrouver. Ben, on est à conclusion. On est à conclusion. Ça serait le temps de conclure. Ouais. On va mettre la musique. Mais oui. Let's go. On rappelle aux gens qu'on a un Patreon et grâce à ce Patreon là, il y a beaucoup de gens qui nous aident à faire des meilleurs shows et oui. À boire toujours et toujours. Oui. Et ouais. À boire. Merci à tout le monde. Qui fait un meilleur show, en fait. Parce qui fait un vraiment meilleur show. Oui. Ça nous aide beaucoup. Les comptes Patreon est sur notre site web retronouveau.ca. Oui, dans le menu en haut, là, tout est là. Le PayPal est là aussi. Tout est sur le site web, en fait. Oui. Retronouveau.ca. C'est tellement complet. C'est si complet. Consultez-le. Quel écosystème. Partagez, aimez ça. Oui. Puis aussi, écoutez-nous sur RZO. RZO est bien en vie. Oui, RZOweb.com, des nouvelles features qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Il n'arrête pas d'avoir des nouveaux features. Hein? C'est, Il y a des nouveaux shows, en fait, qui s'ajoutent à chaque semaine. Je suis rendu à 51 podcasts, je pense, québécois là-dessus. Fait qu'il y a une grande, grande offre. Il y a du monde pour tous les goûts. As-tu ajouté dernièrement le podcast Le Facteur 20? Je vais il est dans mon email. Il faut que j'ajoute demain matin. C'est bon, ça. Wow. Parce que c'est le grand cru des podcasts qui devient le facteur 20, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Ils m'ont, j'ai travaillé pour faire le logo de ce site-là. Ah ouais, OK. Ouais. Ben, tu sais, j'ai pas mais oui, j'ai parlé là-dessus. J'ai parlé avec le gars, ouais, ça va être mis à jour dans les prochaines heures. Ouais, génial, c'est ça. Fait que j'ai hâte d'écouter aussi parce que lui, il est également dans un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Péteux de Brou. Ouais. C'est un excellent podcast de Pierre Rizzado également. Pour ceux qui veulent écouter en apprendre plus sur la bière, les gars sont tight, livraison très informative, mais casual aussi. Fait que même si tu connais pas tous les termes de la bière, de la façon que c'est livré, tu sais, tu catches puis ça te donne le goût d'en découvrir. Donc, excellent show. Allez, écoutez ça, buveux de bière. Ouais, d'ailleurs, ouais, sur RZO, moi, grâce à Adam, j'ai découvert Divan Quest. Ouais. Merci pour la proposition, c'est vraiment bon. Puis bravo, les gars, vous faites une belle job. Il n'y a pas grand épisode encore. Puis, sur la page d'accueil de RZO, en haut à droite, il y a un petit piton, là, une flèche. Là, tu pèses là-dessus, ça fait random, puis ça trie les podcasts aléatoirement. Fait que vous pouvez découvrir de cette façon-là. C'est cool, ça. Essayez ça. Chris, c'est bien fait. C'est malade. Catégorie, tout. Chez Young Media, il niaise pas. On dirait que c'est non. Jésus du web qui a fait ça. Quasiment. Ah, c'est pas mal. Le gars avec quasiment du temps libre. C'est moins bien fait. Oui, fait que c'est ça. Puis Facebook, Twitter, oubliez pas ça. Puis maintenant, Instagram, Snapchat tout ça, là. Bientôt Tinder, probablement. Puis, vous pouvez aider tout le podcast au complet, Tinder. Fait que... On va faire les personnages de nous autres dans D.O.A.W. Ah, clairement. Nos blondes là-dedans, là, en bikini, ça. Mais juste bon, de ça. Même, là, les personnages qui ont été choisis, c'était des votes populaires. Donc, tu sais, je sais pas si on va avoir assez de votes pour se commencer là-dedans. on est quand même en compétition contre Katsumi. Ouais. Là, fait que... Mais bon. Mais je sais pas, je te regarde avec une petite face de chat. Ouais. Un saut de Tanuki, là. Hey Dom, je pensais à ça là, puis. Ouais, ben, dis-le donc, ton c'est affaire, ça, là. Je suis vraiment pas capable de me retenir. Là. Dans le fond, suite à la réunion avec la ville aujourd'hui pour Arcade Montréal, la ville nous.